Et bienvenue à l'apéro du Captain Well. Captain Well. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Bienvenue à tous pour le 12e épisode de l'apéro du Capitaine avec toute l'équipe réunie. Nous sommes le combien 12 novembre 17 novembre, putain, il m'avait fait un écran pour et je regarde même pas. Alors, on commence par quoi après l'émission de la semaine dernière qui était un peu spéciale? On va commencer par un petit tour de table. Allez, ouais. Bonsoir à tous les amis, je suis de retour. Ah, bienvenue. Welcome back, Laure. Alors j'ai appris que la semaine dernière vous aviez fait un podcast live non enregistré. Une libre antenne. Une libre antenne, on m'a dit que c'était hyper top. Et la question que j'aimerais poser à mon ami Quaco, c'est est-ce qu'on pourra l'entendre? Est-ce qu'il sera disponible en MP3 sur le site? Écoute, à la base, j'avais dit qu'au bout de 150 followers sur mon compte Twitter, je le mettrai en ligne. J'en ai eu que 117, malheureusement. Ah bah voilà, c'est la faute de ceux qui écoutent. Je ne suis pas sûr, mais bon, peut-être que si d'ici la fin de cette émission-là, je suis à 130, allez. Demain, il sera peut-être en ligne. Ouh, alors allez vite vous inscrire sur le Twitter de Quacos. J'ai un message pour toi, Quacos. On me dit sur le chat, on s'en branle. Voilà. Ah, c'est une chose à régler. Il sera pas en ligne. Tout le monde s'en branle. Voilà. Alors, deuxième petit mot. Cette semaine, à la demande de Nico, un de nos auditeurs qui a laissé un message sur le répondeur, sujet spécial dans ma rubrique, ce sera la reproduction des poneys au Kazakhstan. Ah, ça c'est chouette. J'attendais un sujet polémique. Et sachant que Johnny, j'ai entendu ce soir, tu m'as fait entendre tout à l'heure le message répondeur de John Ming Z. Voilà, qui demande que je fasse un sujet sur le système métrique européen et le système américain des pouces et des pieds. Eh bien, je le ferai. Pas la semaine prochaine parce que j'ai une toute petite surprise, mais j'en parlerai à la fin de l'émission. Et je le ferai donc dans 2 semaines en principe. Oh, tu nous gâches toute la surprise et tout. Ouais. C'est dommage alors. Quoi Oui, bah moi en ce qui me concerne, deux rubriques donc aujourd'hui. Un quoi qu'on teste et un what's up. Le quoi qu'on teste, bien sûr, étant sur Twitter. Ah, que j'ai testé depuis une semaine. Ça va être bon, je sens. Et PPI, tu nous en parles un peu? PPI, je vous en parle un peu. Bah écoute, j'en sais rien du tout parce que il a été tellement, tellement piraté qu'au niveau compte, je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Les ordures de pirate. De ce que j'ai pu voir, moi, sur mes downloads personnels, je dois en être à 450. Il y en a un qui doit être à 700, m'a-t-il dit. Donc on est aux alentours de 1000 et quelques. Voilà, Manox. Alors moi, ça va être les mystères de l'étrange, n'est-ce pas, avec un invité particulier puisqu'il s'agit de François Déric. Hein, une sorte de français belge qui vit à Rajbroek, sa ville natale. Et alors lui, il a reçu une facture de France Télécom particulièrement salée. Ah, ça arrive en ce moment. Oui, et on ne sait pas exactement d'où ça vient, c'est très mystérieux. Tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que c'est étrange. C'est étrange, c'est des mystères trop étranges. Eh ben, y a des personnes qui me demandaient, parce qu'en fait, comme on n'était pas là la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés par mail, par répondeur, etc., pour demander ce qui s'était passé, est-ce qu'ils n'ont pas vu d'épisode la semaine dernière. Donc ils étaient inquiets. Donc je pense qu'il est temps de dénoncer quelqu'un qui était pas parmi nous la semaine dernière. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas eu de podcast. Oui, Lord. Donc le fouet, hein, pour Lord. Un fouet pour Lord? Ah oui, un coup de fouet. Ouais. Okay. Je pense surtout. Par contre, moi je suis un petit peu déçu, Lord. Je t'avoue que je pensais que ta rubrique serait consacrée à la République tchèque cette semaine, mais même pas. Et non. Ah, dommage. Mais alors, ton père, j'aimerais bien savoir, comme, est-ce que Captain One peut passer ta musique, alors ton père, la musique la semaine passée? Bah non, parce qu'on n'a pas branché le système. Là, maintenant, depuis la semaine dernière, on sait qu'on va pouvoir recevoir des appels sur Skype. Et je pense qu'il y a des choses à faire avec. Voilà. Ah, mais ça, c'est une surprise, parce que tu n'as pas écouté non plus l'émission live de la semaine dernière. Ouais, il ne l'a pas encore entendu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La surprise. Peut-être que les gens sur le chat baveront un peu et vont te donner un avant-goût de ce que tu vas entendre bientôt. Ouh, ça a l'air sympa. Voilà. Alors, quelques petits trucs rapides avant de passer à quelque chose de plus consistant. On va remercier un peu Audiophiline qui nous a fait de la pub sur son nouveau site, geekio.fr. Audio. Alors, merci. C'est un habitué, mais je ne sais pas si on a le droit de dire son identité secrète. Donc, non, c'est interdit. On demandera son autorisation avant. C'est secret. Voilà. Et puis aussi, merci à Smabit. Alors, non pas à Mabit, mais à Smabit. Il y a un S devant, il faut faire attention. C'est Smabit, il me semble, qu'il faut dire. Je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, je dirais Smabit. Smabit, alors. Qui nous fait de la pub toutes les semaines pour l'apéro sur son site. Ah bon. Site qui s'appelle smabit.fr ou .com. Et comment on peut remercier Smabit, alors? Bah, tu vas sur son site, tu cliques sur ses pubs, je crois. Il faut préciser que bit, c'est avec un Y ou avec un I? Non, c'est avec un I. Comme une bite. Un bon I. Voilà. Mais il y a des femmes à poil sur son site, donc je vous conseille d'y aller. Hein. Si avec ça, vous n'avez pas envie d'y aller, je comprends plus rien. Non, moi non plus. Et en fait, dernière chose avant de passer au répondeur, j'ai reçu un petit email. On me dit qu'il y a un rendez-vous de podcasteur le 11 décembre. Ah ouh. Ouais, au Café Beaubourg. Oh. Et l'organisateur me demandait si on y serait. Eh bien, oui, si on peut pas y aller coups à boire, quoi. Bah écoute, je sais pas, je pense qu'il faudra qu'on, quand même qu'on paye nos coûts, quoi. Donc c'est quoi? Oh. Mais on rencontrera des auditeurs qui peut-être nous paieront la tournée, donc dans ce cas-là. Ah ouais, bon, intéressant. On va voir. Et bon, ça... on écoute, on a 2-3 messages sur le répondeur, je crois, cette Quelle semaine. Quelle ville à Paris, bien sûr. Oui. 2-3 messages, oui, en effet. On les lance tout de suite. Ah bah écoute, vas-y. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, c'est le SAV de Moulinex. Je me plains contre la personne qui parle des robots. Donc, trêve de plaisanterie, c'est de RV. Voilà, bon, je voulais faire un petit coucou à Lolita. T'as raison, t'as un Mac, c'est génial. Et salut à tout le monde dans la chat. Bye. Bobo. Mais en fait, j'ai compris ce qu'il écoutait en fond. Il écoute un de nos apéros, je pense. J'ai reconnu la voix de Lord ton père, la douce voix de Lord ton père. Ouais. Oh. Lord ton père qui est aussi un objet Moulinex. Ouais, voilà. Donc, bah écoute, tu régleras tes comptes avec Jack Minzat parce que il me semble que c'est lui qui aime pas les robots. Tout du moins les robots qui font pas trop assez masculin, quoi. Ouais. Donc tu lui en parleras directement. Puis Lolita, on passera le message quand elle sera sortie de son pieu, à savoir dans 2 semaines, parce qu'elle hiberne comme les ours. Exactement. Les bêtes sauvages. Et elle est poilue comme telle d'ailleurs. Ah, je n'ai rien dit. Tu te régleras les problèmes avec elle, je pense. Sans notre problème. Message. Il vous est tout droit de 100 mètres. Mur que tourner à gauche. Prochain rebouis. Vous donnez. Vous donnez. D'accord. J'ai pas tout compris là. En fait, j'ai cru entendre tourner à gauche, donc je crois que ça avait à voir avec ton dernier. Avec le Wasoff sur les GPS. Ouais, je croyais que c'était Pac-Man qui nous appelait, mais non. Tu penses qu'il y a un GPS Pac-Man? Ah, je sais pas. C'est toujours possible, hein, c'est de nos jours. Hein. En tout cas, bonjour à toi. Alors, illustre inconnu. Le professeur Fiontus, j'aimerais tout te contacter, à mon avis. Merci à toi, Tom. Dernier message. Hello, Captain. C'est Orken, alias Karim IRL. Je voulais dire, non, sérieusement, ton podcast, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est n'importe quoi. Ah oui, je voulais dire aussi, la semaine dernière, qui n'en fait plus le coup de la semaine dernière, hein, pas de podcast pendant une semaine, là ça fait presque 2 semaines. Non, c'est. Moi je suis en manque, je me suis refait tous les épisodes. Tu ne refais plus ce coup-là. Allez, à plus. Bah, écoute, voilà. Pour toi, j'ai une solution. Quand tu en manques, il faut faire comme Lord ton père. Alors, je t'explique. Il te faut une paire de chaussettes. C'est quoi cette histoire? Ou une tarte aux pommes. Voilà, un film de boules, si possible. Et on t'expliquera la suite par email. Hein. Tu nous envoies ton email. C'est et n'importe quoi. Tu fais comme ton père. Tu fais des exercices du poignet. Ouais. Ou tu t'en vas à Prague. On passe. Ok, bon, si vous voulez nous laisser des messages, vous connaissez le numéro. C'est le 09 72 12 45 10. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, on passe vraiment n'importe quoi. Hein, donc, faut pas hésiter à nous envoyer des messages. Et puis sur ce, on va passer à l'actu. Ok. Des buts, des poneys et internet. C'est l'actualité du web. L'actualité du web. Et puis là, en fait, c'est l'actualité sur 2 semaines, limite 3, parce qu'on est quand même. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'actu. Donc ouais. on va aller assez vite, on va pas traîner 10 ans sur chaque sujet. Je vais quand même commencer par une petite breaking news. Ah. The Pirate Bay ferme ses portes, ça y est, c'est fini. Hein. Oh my god. Voilà, donc ils sont plus alors dans l'espèce de bunker énorme. Dont bah, apparemment, il va y avoir de la place dans le bunker. Donc, si vous avez vous aussi un tracker de torrent. Moi j'ai des boîtes de conserve que je voudrais protéger. À mon avis, si tu payes, d'accord, ils veulent bien mettre des boîtes de conserve à la place de ton serveur. Bah, ça consomme moins en plus en électricité. Ouais. Donc voilà, donc ils ont dit, bah voilà, on ferme les portes et tout. Vous nous avez assez fait chier comme ça. Maintenant, il y a des solutions décentralisées en plus. Donc, allez voir par là-bas. C'est encore plus chiant à pirater. Donc voilà, donc c'est fini pour The Pirate Bay. Oui, leur compère. Est-ce que sur le net, il précisait que la base de données de Torrent serait peut-être récupérée par d'autres sites? Bah, de toute façon, elle a déjà été récupérée. La première fois qu'ils avaient dit qu'ils étaient tombés en rage, quoi, ils avaient dit qu'ils allaient fermer, il y avait pas mal de personnes qui avaient récupéré la base. Donc je crois que c'était 30 gigas, 20 ou 30 gigas. C'est tout? Bah c'est des torrents, c'est pas. Ah oui, torrent, tu vois. Ouais, en torrent, ça fait quand même pas mal. C'est pas mal, c'est énorme, quand même, ouais. Et donc il avait commencé à la remettre en ligne, donc faut pas, de toute façon, hein, d'ici quelques jours, ça sera reparti comme avant, mais ça s'appellera plus The Pirate Bay. Et là, on me demande le bouteille, donc voilà le bouteille. D'accord. Et c'est l'heure de la news suivante? Bah ouais, un peu. Ah, je vais vous parler du bad buzz de la semaine, du mois peut-être même, voire de l'année. Bad je vais buzz, vous parler bad de buzz. Melorama. Ah, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui voulaient en parler justement. Je vous ai piqué le sujet. Bah oui, c'était quand même un peu les news. Quoi. Melorama. Bon alors, hein, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Web. Melorama, donc c'est la société Rentabilité Web qui est dirigée par un champion qui s'appelle Stéphane Boukris, mais je pense que vous le connaissez. Je vais vous en parler après. Il a déjà fauté. Il a fait un précédent site web. C'est la deuxième fois de l'année quand même. Et d'un côté, c'est fort. Hein, y a pas à dire. Donc voilà, il avait dit, bah voilà, on va pour faire de la pub, on va distribuer de l'argent. Donc des enveloppes qui contiennent entre 5 et 500 euros, si je me souviens bien. Et donc ils avaient dit, voilà, on va le faire, je ne sais plus quand c'était, c'est samedi dernier ? Ouais, samedi. Samedi, au Champ de Mars ou sur une place à côté, place Joffre. Oui. Attention, note la subtilité. Mais il devait se balader, il me semble, en plus. Ah, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été vite calmé, puisque avant même que la distribution commence, les mecs étaient déjà en train de s'égorger au couteau à beurre dans la file d'attente. Donc, ils avaient déjà commencé à cramer des voitures et tout. Donc, ce bon vieux Stéphane a dit, non, bah stop, si c'est comme ça, bah voilà, je distribue rien, je garde ma thune. Rien à foutre. Il semble qu'en réalité, ils ont cramé les bagnoles parce qu'on leur a dit que le mec passait pas avec le pognon. Bah, c'est possible en fait. Dommage, j'ai pas la même. Il y a des versions différentes, hein, parce qu'apparemment, il était déjà en retard. Donc, le mec avait commencé à s'échauffer et tout. Ils ont demandé où était leur argent. Effectivement, ils sont légèrement énervés. Ils ont commencé à foutre le feu et tout. Et puis, bon, comme apparemment, monsieur Stéphane est quelqu'un de susceptible, il a dit bah, si c'est comme ça, je rembarque mon pognon. Donc, voilà. Mais le pognon n'est pas perdu pour tout le monde. Est-ce que c'est l'heure de ton père ce qu'il en a fait? Il a donné une œuvre caritative? Ah oui, alors. Il devait déjà le faire, hein. À la base, il devait et distribuer du pognon aux Parisiens. Ouais. Et enfiler aussi des œuvres caritatives. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a enfilé quelqu'un, je sais pas qui c'est. Donc, il a dit qu'il allait verser la somme donc, au Secours Populaire, soit 100 000 euros quand même, hein, ça fait. Ah, quand même. Ça fait une somme. Mais c'est pas perdu pour tout le monde, puisque c'est déductible des impôts. Donc, j'imagine que ce brave monsieur trouvera toujours moyen d'en faire quelque chose. Alors, Stéphane Boukris, donc, attention, hein, faut pas le prononcer seulement. Non. Alors, c'est. Ah, je sens que ton père meurt d'envie de parler de sa précédente opération. C'était le fabuleux site faitmesdevoirs.com. Exactement. Ouais. Très beau site d'ailleurs. Magnifique. Ah bah écoute, ça avait fait un sacré buzz déjà à l'époque. Hein, parce qu'il faut se rappeler, tout le monde s'en était mêlé. Je pense que ce gars-là, en réalité, il n'est pas correct. Il avait déjà niqué tout le monde sur faitmesdevoirs.com. Il n'avait pas été jusqu'au bout. Donc on pouvait se douter que sur l'histoire du pognon, il n'irait pas jusqu'au bout non plus. Bah ouais, mais c'est fort ce qui provoque quand même le buzz. Si tu veux un mec comme ça, c'est inestimable. À votre avis, est-ce qu'il enchaînera jamais 203, peut-être avant la fin de l'année, un autre? Ah, je ne sais pas. Mais je pense que Captain Red, tu devrais l'inviter ici, hein, ce monsieur Boukris. Ça, ce sera intéressant. Ah, écoute, je ne sais pas ce que ça ferait le buzz si on l'invitait, je ne suis pas sûr. Hein. C'est pas sûr non plus, mais bon. Mais est-ce que question de base quand même, est-ce que vous savez à quoi consiste Mélorama, son fameux site pour lequel il faisait de la pub. Alors vas-y, dis-nous. C'est une boîte de com, non, en fait? Non, alors en fait, c'est une boîte, et je suis sûr que ça va vous rappeler des souvenirs. Donc, cette boîte-là vous propose de recevoir des mails et en échange de gagner de l'argent. Est-ce que ça vous rappelle rien de tout début des années 2000? Si, ça me rappelle vaguement quelque chose. Quand t'avais participé? Moi, j'ai participé à tout, de toute façon, je suis pas fier, hein, que j'ai gagné un centime. Du pixel, là. Donc, non, ça c'est autre chose. Ça, tu dois pas une million de dollars en page, c'est autre chose, carrément autre chose. Non, mais à l'époque, on te payait, on te proposait d'installer un logiciel qui t'installait une barre sur la moitié de ton écran avec des pubs qui défilaient. Et on disait, pendant que tu surfes, t'es payé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ouais, je m'en rappelle. Maintenant. Parce qu'avant, je travaillais dans un autre cybercafé et donc. Et tu l'avais installé? Non, moi non, mais je crois que la possibilité avait été évoquée, effectivement. Donc voilà. Mais alors, attendez, le plus drôle. Donc, Mélorama, est-ce que ça marche quand même, hein, cette affaire-là? Si vous savez, si vous acceptez de recevoir des mails de leur part, combien d'argent vous allez gagner? Non, j'aimerais bien gagner de l'argent, moi. Donc alors, tu reçois un email, tu le lis, tu vas gagner. Je sais pas. 0,001 centime. Ah! Un 0 prêt, yes, c'est 0,01 centime. Donc, ouh, un centime. Quand même. Donc, attention, si tu cliques sur le lien pour éditer la page, tu vas gagner 2 centimes et là tu doubles tes gains. Oh, c'est très fort. Mais je deviens épileptique à la fin de la journée. Et encore plus fort. Et est-ce que tu sais combien de mails ils envoient par jour? Ah bah justement, c'est la question. Peut-être qu'ils envoient 100 000 mails par jour, auquel cas c'est intéressant, mais auquel cas ton fournisseur d'accès va peut-être faire la gueule, quoi. Je sais pas. Non, je pense que c'est limité. Allez, si t'en envoies 20 par jour, tu gagnes combien? Tu gagnes 20 centimes? En une semaine, tu gagnes 1 euro. Si tu cliques, ça fait 40 centimes par jour. Mais à partir de combien il file ton pognon? Ah bah ça je sais pas. Donc on est à 12 euros par mois quand même. Je suis pas sûr qu'il file le pognon. Je pense qu'en fait t'as des bons de réduction pour acheter d'autres trucs. Des frais de port gratuits. Non mais attention, parce que si tu t'inscris à une newsletter, là c'est le top du top, tu gagnes 2 euros à ce qu'ils disent. Jusqu'à 2 euros, hein. Quelqu'un nous dit 12 par jour maximum. 2 par jour. Il y a 12 et 2 sur le chat. Attends, 12 ou 2, faut se décider. Est-ce qu'il y a une faute de frappe ou pas quelque part? Bon, disons 12, bon. Disons la fourchette haute, ça fait même combien? 12. 12, donc ça fait au mieux si tu cliques sur chacun. Ouais. Ça te fait donc du 44 centimes par jour. On est à 13-14 euros par mois. Merci ouais, Redman. Oui, donc ça doit être que 2 mails par jour. Ouais, c'est trop, 14 euros par mois. Non, mais à mon avis, il doit y avoir des petites conditions générales qui font que t'es pas payé. Alors, la question, attention, la question pour terminer sur ce sujet. Ouais. Qui est le plus con? La personne qui fait Mélorama? L'annonceur qui paye le mec pour diffuser de la pub par email? Ou la personne qui accepte de recevoir les emails? Je dirais le deuxième et le troisième. Pas mal. Je dirais les trois. Ouais, c'est vrai que le deuxième et le troisième, mais bon. Écoutez, ce sont tout à fait des réponses acceptables. Vous avez gagné un centime par personne. Bravo. Et on passe au sujet suivant. Et on va parler de votre sujet préféré. On va parler de l'ouverture des Apple Store. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'Apple, vous avez tous des grosses érections. Ouais. Ah oui, j'adore Apple. Alors, ah, si. Je suis allé au marché d'ailleurs, il y en avait plein. Et quelqu'un a dit dans une Apple Store déjà en France? Non. Ouais, moi une fois, mais je m'en rappelle vraiment à peine. Quoi, en France, t'es sûr? Parce que c'est ouvert depuis deux semaines. Ouais. Non, je sais pas, non, je sais pas si je suis allé en France, mais je sais que je suis allé quelque part dans le monde où il y avait un Apple Store. Oh, d'accord, oui. À Prague, il y a un Apple Store? Vaguement. Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. Il y en a à Londres, il y en a dans une vingtaine de pays, si je me souviens bien. Ça doit être marqué sur mes notes, mais comme je ne les lis pas, de toute façon, on s'en fout. Donc, il y a eu deux Apple Store qui ont été ouvertes en l'espace d'une semaine. Paris et Montpellier. La première, voilà, la première à Paris, la seconde à Montpellier. Pourquoi alors, Montpellier? Montpellier. Alors, pourquoi? On va commencer par Paris quand même. Vous savez que ça a été limite l'émeute. C'était la guerre. Attends. 12 heures avant, des gens en train d'attendre devant l'Apple Store. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, c'est petit par rapport aux États-Unis quand même. Attends, tu dis 12 heures avant. 12 heures, c'est pas énorme. Alors, en gros, ça ouvrait le samedi matin à 10h. Ouais. Le soir d'avant, vers 10h, il y avait déjà des gens en train d'attendre. Mais pour faire quoi? Pour être les premiers à rentrer dans l'Apple Store. Et avoir les t-shirts à la pomme. Et avoir le t-shirt qui était revendu 90€ sur eBay. Lors de ton père, je te rappelle qu'il y a des gens qui ont attendu quand il y a eu le McDonald's qui a remplacé le Burger King sur certains établissements. Tu as attendu toutes les nuits avant de pouvoir être les premiers. Non. Oh, je tiens à dire je tiens à dire tout de suite que moi, je fais la fermeture du Burger King. Nous avons attendu 5 minutes et on s'est fait doubler par deux touristes anglaises et un clodo. Et le clodo est le premier à avoir inauguré ce putain de McDonald's. Lors de ton père en est témoin, nous l'avons vu nous dépasser. Je le certifie. Et en plus, il nous a grillé dans la file. Quoi. Donc après le clodo, il y avait l'heure de ton père. Oh, non. Je peux t'assurer. Ça commençait bien. Je peux t'assurer qu'au McDo, il n'y a pas de cadeau à l'inauguration. Tu payes tout, hein, y compris ton McMorning dégueulasse. Il y a un petit ballon et tout D'accord. Non, même pas de petit ballon, que dalle. Quoi. Et alors, comment ça s'est passé l'inauguration? Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que les gens étaient contents? Est-ce que ça fait quand même un bon effet? Alors, l'inauguration de l'Apple Store du Louvre, on va commencer par celle-là, ça s'est relativement bien passé. Il y avait quand même, il faut le savoir, à l'ouverture, selon les chiffres, il y avait quelque chose comme 2000 personnes qui attendaient. Ouais, pas mal. Donc si tu veux, ça veut dire que tu vois l'Apple Store, enfin tu vois le Louvre au milieu, là où il y a le Virgin. Ouais. Donc tu vois la queue qui continue, qui sort, hein, qui sort carrément du carrousel et qui continue dehors. Voilà, donc les gens qui connaissent un peu peuvent visualiser. Oui, bah je peux te dire que ça fait mal. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait long, ça fait long, quoi. Donc ça la fait nuit, pas mal. Ils étaient une dizaine à attendre. Ensuite, ils sont rentrés, donc peu à peu. Hein, il y en avait 10 000 dans la journée quand même qui ont défilé. Moi, par curiosité, je suis passé le samedi après-midi pour aller prendre un café à côté. Je vous cache pas que j'avais pas intention de faire la queue, hein. Ils étaient au moins 10 000 à attendre. Tu mens! Laisse-moi deviner, t'as été au Starbucks, oui. Starbucks! Parce que je suis un vendu au capitalisme. Oh là là. On fait de la pub là. Et voilà, ouais. Quel large. Donc voilà. Est-ce qu'on a des amis qui étaient là ou pas? Ah, alors pas à l'Apple Store de Paris. Ah. Mais nous avions nos amis de Pod Radio qui ont attendu devant l'Apple Store de Montpellier. Donc aussi toute la nuit. Montpellier. Hein, 10h du matin. Et d'ailleurs, ils ont eu le t-shirt. Spéciale dédicace à toi. Je t'ai vu. Tu étais premier dans la file. Nous t'avons vu. La personne, l'équipe d'Apple qui filmait, j'ai vu. Donc il a eu le t-shirt à la pomme. Ah, il a eu le t-shirt. Mais à Montpellier, c'était un peu plus rare parce qu'ils en avaient juste une dizaine. Il pourrait peut-être nous l'envoyer à l'apéro quand même. Ce serait cool, quoi. Je pense qu'il l'a revendu sur eBay, mais j'en suis pas sûr. Le rein. En tout cas, sur. Les t-shirts du Louvre, ils étaient immédiatement en vente sur eBay. Ah, bah alors, bon, juste un petit truc pour revenir là-dessus. Ouais. L'Apple prévoit d'ouvrir 40 à 50 magasins cette année. Ouah, en France, non? Alors, dont une bonne majorité en France, apparemment, puisque c'est en France qu'il y aura le taux de croissance le plus fort. Mais en même temps, c'est en France qu'il y a les derniers Apple Store. Il y en a dans pas mal de pays. En Espagne, en Allemagne. 10 pays. Il y en a dans 10 pays. Et donc nous, on était le 10e pays, apparemment. Ok. Mais apparemment, ça va y aller fort. Là, ils vont en ouvrir un autre à Opéra. Une question, Captain Web. Est-ce que les Apple Store, les deux là, celui de Paris et celui de Montpellier, sont identiques en termes de taille, en termes de. Bah non. Celui de Paris fait 700 mètres carrés environ. Mais alors, ce qui est fort, attention, vous allez faire le calcul. Il y a 150 salariés pour les 700 mètres carrés du. Alors, ça fait combien d'employés par mètre carré? Ça fait tous les 45 mètres carrés. Hein? Hein? Non, 150. Ah, 150. Oh, ah, tous les 4 mètres carrés et demi. Tous les 4 mètres carrés. Alors, que c'est. Lors de ton père, est-ce que c'est. La législation du travail autorise un employé tous les 4 mètres carrés? Alors, ça fait 2 mètres sur 2. Je ne sais pas. Si tu rajoutes les clients. Et à Montpellier? À Montpellier, je sais pas, ça doit être plus petit, je pense, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. On demandera à nos potes de Pod Radio. Sur les 150 employés, à mon avis, il y en a 50 qui bossent en sous-sol pour l'approvisionnement des stocks ou des trucs comme ça. Ouais, possible. Mais je crois pas qu'il y ait de sous-sol là-bas, parce qu'ils sont déjà en sous-sol. Et 50 employés. Il y a Puff qui me dit qu'il était deuxième avec Phil, parce que oui, c'est vrai qu'il y avait Phil aussi qui était là-bas, et qu'il y avait 1000 t-shirts à distribuer, alors qu'il y en avait 5000 ou 10 000, je crois, au Louvre, je sais plus. Ouh, d'accord. Bon. Voilà. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que Apple Store c'est quand même du pognon avant tout, c'est super rentable. Est-ce que vous savez combien gagne le premier Apple Store, celui de New York, de Manhattan? Combien il gagne par an? Par an, ouais. Je dirais 20 millions de dollars. Faux, 440 millions de dollars. Voilà, 20 millions c'est ridicule. Par an, c'est un putain de record. Jamais une boutique a fait 400 millions, ça fait plus d'un million par jour, hein, Nox. 440 millions par an. Ouais, c'est 1,5 million par jour. Ils vendent quoi? Il y a beaucoup de gens. Ils vendent leurs produits, mais leurs produits sont hors de prix, mec. What the f- T'imagines 1,5 million de dollars. Il fait 10 fois plus qu'une boutique classique. Ouais. C'est-à-dire que déjà, les boutiques classiques font un putain ça déchire sa race, quoi. Ouais. Bon, on va passer à autre chose parce qu'il y en a marre de parler d'Apple. Hein. Ouais. Je vais vous parler d'Orange et du winner qui a payé une facture exactement. De la merde. Attention, préparez-vous. 45 923,61 centimes. Donc 45 923 euros et 61 centimes. Oui, en oui. un mois, c'est possible. C'est normal. Putain, la vache. Avec Orange, tout est possible. C'est normal. Erreur d'Orange ou réalité de consommation? Ah bah écoute, c'est évidemment la faute du consommateur. Parce qu'il avait pris un forfait illimité. Mais cette personne ne sait pas comment fonctionne Orange. Il n'avait pas regardé les petits caractères. Ce qu'il faut toujours savoir. C'est dommage. Les geeks le savent, hein. Quand tu lis forfait illimité pour du 3G, tu sais que c'est un forfait illimité dans le temps. C'est que si tu passes ton temps à aller sur une page texte, par exemple Craigslist, ça devrait aller. Alors, si tu vas voir tout de suite quelque chose, oui. Moi, j'avais lu une autre théorie, expliquée oui. d'ailleurs par Orange, comme quoi oui, ça, la personne étant près de la frontière belge, son téléphone, par une sorte de téléphone, se connectait en fait au réseau belge, qui était plus proche que réseau en France. Quoi. Ils sont en train d'étudier. Ça coûtait à l'international. Et donc là, Irak. Irak, ça fasse. Sur le chat, on me précise que c'était à cause de. En réalité, c'était une clé 3G+. C'est-à-dire que tu branches sur l'ordi. Voilà, exactement. Donc il a dû aller sur YouTube, sur PornTube, sur Megaporn, etc., etc. Il a dû downloader comme un porc, mais d'un serveur belge. Voilà. Mais attends, est-ce que chez France Télécom, enfin chez Orange, parce que maintenant c'est Orange, ce sont des gens compréhensibles. Il faut savoir que la hotline lui a proposé une solution. Ouais. C'est pas des rats. Ils lui ont proposé, voilà, à l'amiable, de payer en 40 ans. Voilà. Oh, ils sont sympas. C'est quand même cool. Ils sont sympas. C'est vrai ou c'est une blague? Ah, la hotline lui a proposé ça. Hein. D'après le mec, il est passé en reportage sur LCI. Vous regarderez le reportage. Il le dit lui-même. Il dit, la hotline m'a proposé de payer, de faire des mensualités sur 40 ans. Apparemment, sans taux d'intérêt, ce qui est quand même. Sans taux d'intérêt, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Il est pas dans la merde, Gogol. À l'époque actuelle, c'est quand même cool. Hein. Parce que les intérêts, en général, il y en a. Donc bon voilà, ils sont en train d'étudier l'affaire, etc., etc. C'est pas les premières fois. Il faut savoir qu'Orange avait déjà facturé 371 millions d'euros à un club de natation. Hein ouais. Tu te fous de moi maintenant? Non, quoi ça devait de être natation. Oui, c'était de la natation. Donc je sais pas, peut-être qu'ils avaient rempli la piscine avec avec des clés 3G branchées en train de chercher des vidéos. J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la natation, quoi? Voilà, vous pouvez aller voir sur PC Impact. Il y a le lien. Vous pouvez aller voir sur le Delicious de Captain Web. D'ailleurs, il y a tous les liens. Ah. Et il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a une jeune fille qui avait reçu une facture de téléphone de 300 pages. Ah, parce qu'elle avait envoyé 30 000 SMS dans le mois. Oh là là. Et malheureusement, non, par contre là ça va pas. Et malheureusement, apparemment, c'est triste parce qu'elle avait vraiment envoyé 30 000 SMS dans le mois. C'était pas une erreur. Elle avait encore des mains. Mais c'est celle qui a le record là, non? Non, je crois qu'il a été battu depuis. Mais le record a été battu. Voilà. Mais 30 000 encore, ça en fait un toutes les 3 minutes, je crois. Les nouveaux records c'était 160 000 et là, franchement, déjà que 30 000, c'est dur à croire. Parce que ça, c'est de l'envoi groupé, quoi. Oui, peut-être. Ouais. Elle envoie tous ses contacts d'un coup. Enfin, en tout cas, cette jeune fille avait eu le bon goût de demander une facture ultra détaillée parce que ça existe chez la TNT. Et effectivement, elle a eu la facture ultra détaillée qui faisait 300 pages. C'est une spameuse. Voilà, alors quand même, les mecs ils sont sympas parce qu'il avait un forfait SMS illimité, mais ils lui ont quand même pris 7 euros apparemment pour les frais de port parce qu'ils se sont dit, bon, ça va 10 secondes, mais faut pas trop se foutre de notre gueule non plus. Faut pas déconner. Non. Voilà, pas cool. On passe à du Quick and Dirty. Ah, quick. Ah, j'ai une liste de gadgets à la con que je vous fais cette semaine. Bon, bof. Alors, je vais vous les dire un par un, vous me donnez vos réactions. J'adore. Cette semaine, j'ai vu un sèche chaussure USB. Oh putain, mais ça, mais il me semble que l'ordre de ton père l'avait déjà. Hein. C'est sûr que c'était un chose, je crois que ça vibrait, c'était pas un... Ah non, mais c'est à dire que t'es obligé d'allumer ton PC pour sécher tes godasses, quoi. Ouais, probablement. Moi, je pense que c'est au bureau, il y a eu de la pluie, tes chaussures trempées. Ah, tu les mets sous le bureau, à côté de la tour, quoi. Ça doit aller bien chlinguer quand même. Il y a des gens quand même qui mériteraient d'aller en prison. Pour ce genre de choses, ouais. C'est exactement ce que je disais. Alors, un autre petit truc, la balance qui balance votre poids sur Twitter. Oh, t'es de la merde, non. Donc, c'est un bon truc pour se motiver, quoi. Parce que c'est genre tous les matins, la balance envoie ton poids, puis t'as plein de RT. RT, mais t'as encore pris du poids, grognasse, quel gros porc, il a encore pris un kilo, qu'est-ce que t'as bouffé hier soir? Simulation. Captain Web monte ça sur la balance. Bonjour, Captain. Ah putain, mais t'es encore grossi. Non, je pense que la balance doit se contenter de balancer le poids. Donc, genre, Captain Web fait ce matin 133 kilos. Ah, mais tu pèses poids lourd depuis ton accident. Donc, pour peu que t'aies beaucoup de followers, c'est un peu la honte, mais ça peut être efficace. Hein, tu peux te motiver comme ça. Ouais. Ouais. Bon, intéressant. Donc, voilà, intéressant. Un autre gadget. Allez, j'ai trouvé, quelqu'un m'a envoyé une application iPhone et BlackBerry qui permet d'ouvrir, de fermer et de localiser ta Mercedes. Quoi? Ouh! Voilà. C'est bien pour Joystar et sa Merco Benz. Voilà. Mais tu peux le faire avec ton iPhone, c'est encore plus la classe, quoi. Schlack. Ouais, mais niveau sécurité, ça doit pas être terrible quand même. Ah, si tu te fais hacker, effectivement, ça peut poser problème. Ouais, c'est un peu con. Et est-ce que tu peux l'ouvrir avec l'iPhone après? J'en sais rien, écoute. Mais moi j'ai vu qu'on pouvait, ils pouvaient démarrer les bagnoles. Oui, ça c'est le nouveau truc qui s'est annoncé dans la keynote, pas la dernière, celle d'avant. Ils avaient un truc avec une boîte de location de voiture et tu pouvais louer en ligne et après ton iPhone te servait de clé. Voilà. Il te servait à repérer. Tu démarres la voiture avec ça. Ouais. Et enfin, un dernier petit truc, l'écharpe anti-mal de cou en USB. Elle chauffe, c'est ça ? Je sais pas ce qu'elle fait, mais je peux te dire que elle coûte pas cher. Elle coûte 20€, mais c'est peut-être encore trop cher pour la merde. À mon avis, elle gonfle. Ok. C'était sympa, ça, en tout cas, tes petits gadgets. Elle te conforte, elle te fait un petit truc douillet, elle te gonfle, elle gonfle le cou, quoi. Ça va être pas mal, quoi. Bah ouais, ou elle t'étrangle. Il y a un vieux virus qui chope, qui bousille ton écharpe USB. Ouais. Je sais pas si c'est garanti, si t'as quand même mal au cou après. Elle est fournie par France Télécom, l'écharpe ? Pardon. C'est une bonne question, peut-être qu'ils les sponsorisent. Ouais, pour les cadres. C'est des conneries, tes trucs, Captain Web, ça n'existe pas. Ah, écoute, tous les liens sont sur Delicious, je vous prends un témoin. C'est vérifié par les web que j'ai trouvé, par les sites. Par le Captain Web et par Twitter. Okay. Voilà. C'est dire si c'est valable. C'est valable. Donc demain, je vais à la Fnac, je vais leur demander une petite écharpe. Hein, je vais prendre aussi le petit. Tiens, Capitaine, essuie-toi un peu. Voilà, Captain. C'est en USB, Captain, hein, c'est bon. Le PQ en USB, ils ont inventé ça aussi. Ah, le PQ en USB, ça pourrait être pratique. Ah non, mais la chasse d'eau USB, ça peut être sympa. Je suis sûr que ça existe. Ils font tout en USB aujourd'hui. Un jour, je ferai une revue. Ah, tiens, il y a Mathieu Blanco sur le. Ah, salut Matt. Salut Mathieu. Salut. Maxi PQ XD. Ah, bah oui, oui. Voilà. Ça, c'est. C'est ça que d'être dans le chat. Et il est sale, le Captain. Hein. Ah, tiens, juste un petit mot, il y a 51 personnes en ligne. Ouais. C'est pas mal. Comme le pastis. Pardon. Ah, comme le pastis. Ouais, excusez-moi. Comme le. Bref. Bon, ok. Bon, allez, on passe à la suite. Suite. Twitter change de bureau. Ah bon. Il y a des vidéos qui traînent. Non, pas des vidéos, des photos qui traînent sur Internet. Je les ai vues aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir qu'avant, c'est une équipe de 30 personnes, donc c'est une équipe relativement réduite. Mais comme ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont piqué à des investisseurs, ils aiment s'agrandir, donc ils ont loué des locaux de 3000 mètres carrés. Où ça ? Oh, la vache. Alors pas très loin, à 10 pas de chez eux, hein, toujours à San Francisco, dans le downtown de San Francisco. À downtown. Avant, c'était occupé par Bilbo, qui est une boîte, une autre start-up. À ne pas confondre avec Bilbo. Qui, je sais pas ce qu'elle fait, elle est probablement décédée, comme tant d'autres start-up. Donc, je crois que ça existe encore en plus. Ouais. Donc voilà, donc ils sont 100 mètres carrés par personne. Ouais. Et ils ont décoré ça d'une façon top, quoi. Ah, c'est-à-dire. Il y a des serres peints en vert, il y a des têtes de serre accrochées un peu partout. Oh, et non. Surtout, il y a une espèce de porte-manteau en forme de bite en bois, qui est, je vous conseille d'aller voir, hein, parce que c'est un descriptif. C'est malade. Je sais pas, on me dit moche, et oui, je le confirme. Lors ton très... père. Personnellement, j'ai trouvé ça assez moche. Oui, lors ton père. Chez Captain Web. On est 4, on est dans une putain de cave qui fait moins de 5 mètres carrés. Mais on n'a pas de tête de cerf. Non mais on a des décos quand même. Non mais on a des grosses têtes de... On a de la superbe déco, on a des têtes de mort un peu partout, on a des trucs comme ça. On a la poupée. Notre poupée fétiche, mais elle est collée. Ah ouais, une poupée qui est accrochée sur la canalisation. Ouais, ouais. Au-dessus de la tête de LTP. Voilà. Ok, on va suite. Allez, hop, suite. Hop. Non. Oh, la tablette Crunchpad, qui c'est qui sait ce que c'est ? C'est du chocolat ? C'est encore une de tes conneries, un truc crunch, tu l'as bouffé utilisé en USB, c'est ça ? Ouais. Je vois que ça se rapproche, on a parlé d'USB, vas-y. Non, j'en sais rien du tout, quoi. Ok, bah, c'est TechCrunch, le célèbre site qui a comme patron Michael Harrington, je pense que ça se prononce à peu près comme ça. Ah, paf ! Et donc ce Michael Harrington est en train de bosser depuis une bonne année sur un projet de tablette, quelque chose qui concurrencerait donc la future tablette d'Apple, etc., etc. Ah bon ? Donc on pensait que c'est un projet qui est pas mal, on a vu des photos, on pensait que ça allait mourir parce que ça commençait à prendre du retard, et là il nous a dit simplement que non, c'était pas mort du tout, ça allait arriver, donc un peu en retard, un peu plus cher que prévu en 2012, on sait pas quand ce sera vendu, entre 300 et 400 dollars, voilà, oui. C'est ça, on nous dit sur le site là, entre 300 et 400 euros, une sorte de Kindle, voilà, alors je sais pas, parce qu'apparemment c'est un écran, un véritable écran, hein, serait plus proche de la tablette que c'est un écran et on a des news de la tablette d'Apple justement, non, sûrement en janvier a priori dans la keynote, si bientôt, ça se confirme, mais là les rumeurs vont commencer à enfler jusqu'à la keynote de janvier ou quoi ? Je sais pas, je vous entends vous marrer comme des baleines là. Non, pas du tout. Il y a un petit jeu de mots marrant sur le chat, le Kindle Surprise. Oui, je l'avais fait aussi à la fois, Kindle Bueno aussi. Oui, ouais. Écran couleur, multi-touch, juste un navigateur dessus. Ouais, bah voilà. Voilà. Mathieu Blanco a tout dit. Voilà, Blanco c'est ça, a toutes c'est... les réponses. Bon, ça a rien de très. Il sait tout. Voilà. Bon, maintenant, comme tout le monde s'en fout, on va passer à la suite. Oh. Firefox dépasse les 25% de parts de marché. Ah bah c'est pas trop tôt quand même. Et il dépasse aussi la lenteur absolue. Bah écoute, moi je suis passé sur Chrome. Honnêtement, moi aussi. Déjà c'était un peu lent par rapport à Chrome, c'est sûr que ça a rien à voir. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il plantait à mort depuis la dernière version. Quoi. Ah bon ? D'accord, ouais. Pareil ça, pour c'est moi. Vrai qu'il parle souvent. D'accord, donc c'est pas que moi. Ouais, pareil pour moi. C'est peut-être nos extensions aussi, donc ne soyez pas. Et Gecko. Gecko, la Gecko, je sais plus comment on dit. Bah, Gecko, c'est un moteur. C'est Safari. Non, attends. C'est Chrome qui est sur Gecko. Non, c'est Gecko, c'est Firefox. Ah, d'accord, Gecko, c'est Firefox. C'est le moteur de Firefox. Ouais, et Chrome, c'est le moteur de Safari normalement. Ça, je ne sais pas. Bah, sûrement, vu que c'est Chrome. Non, c'est moteur d'Explorer. Non, Chrome, c'est Chrome. Ah, l'horreur. J'en sais rien. Oui, Chrome, c'est Chrome. Bon, Chrome, c'est Chrome, de toute façon. Chrome. Et d'ailleurs, l'OS Chrome sort bientôt. Oui, dans une semaine. Bah, j'allais en parler justement. J'ai lancé sur le Twitter les premières photos quand même. Bah, d'ici une semaine. Premier sur la news. De quoi tu parles? Captain Web, toujours premier sur les news. Chrome, c'est WebKit. Chrome, c'est WebKit. Bah, voilà. Qui anime aussi Safari, c'est le chat qui me le précise. Oui, j'avais le vu chat, ton œil en coin. Ah, donc il y avait bien un lien avec Safari, on est d'accord. Ah bah voilà, donc j'avais raison. Il avait raison, le captain qui avait raison. Ah, toujours raison. Et voilà. Fouet pour l'ordre de ton père. Bon, alors juste. Et suis-toi quand même un peu. Ah, non, après. Je m'essuie seulement à la fin d'émission sur le bord de table. Ouais. Donc, 330 millions d'utilisateurs selon l'étude qui a été faite. Et c'est pas celle qui donne Firefox le plus devant, puisqu'une autre donne Firefox à carrément 32% de part de marché. Encore loin derrière IE tout de même. Il y en a un qui est au nombre de téléchargements et l'autre au nombre d'utilisations, peut-être. Je sais pas du tout, c'est une bonne question. Enfin, en même temps, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Non. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type de gens utilisent Explorer, quel type de gens utilisent Firefox. Écoute, Explorer, c'est manifestement les manchots, les unijambistes et les personnes de plus de 70 ans. C'est sûr. Tandis que Firefox, c'est les gros geeks. Oui, ou les gens qui bossent, quoi, quand même, quoi. Ouais, aussi, peut-être. C'est les mêmes? Ça dépend de quoi. Oui, ouais. Les geeks bossent pas. Non. Ouais. Facebook, vous connaissez? Ouais. D'accord, les meurtres, les agressions, vous connaissez? Ouais. Donc, il y a un mec aux États-Unis qui a été innocenté d'une agression qu'il aurait commis à Brooklyn parce qu'il avait posté un message une minute avant l'agression. Non. Sur Facebook. Et donc, son avocat, si tu veux, est arrivé devant le juge avec ça. Il a dit peut pas être lui. Il a posté une minute avant un message sa copine sur Facebook. Et bien sûr, il a prouvé que personne n'avait son mot de passe. Ah, ça, je sais pas. Tu as lu la news, toi? C'est pas moi qui te l'ai envoyé, celle-là. Je l'ai tweeté, en tout cas, cette semaine. Il a peut-être posté sur son BlackBerry juste avant de péter la gueule au mec. Ah, alors, l'IP, enfin, c'est vrai que tu soulèves un point intéressant parce qu'il aurait pu utiliser un réseau à part, un firewall, etc. En tout cas, l'IP était celle de la maison de son père. Il a peut-être utilisé la maison de son père en routage. Moi, je pense qu'il y a des bons alibis à faire, là. Peut-être même un business d'alibi. C'est drôle, c'est parce que d'habitude, sur Facebook, c'est plutôt pour arrêter les gars qui ont des preuves. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse, quoi. Bah ouais, comme quoi tout arrive. Hein. Mais je pense que les alibis sur Facebook, ça va bien marcher, quoi. Il y a un gros business à faire là-dessus. Hein. Ah, et sur Twitter aussi, ça doit pouvoir marcher. J'étais sur Facebook. Sûrement, oui. Mais faut bien préméditer. J'étais avec LTP sur Facebook à cette heure-là, non, parce que oui, je vous assure. Mais moi, il faut bien préméditer le coup, quoi. Faut prévoir avec un pote et tout. Bon, tu te connectes à cette heure-là, etc., etc. On s'est changé des liens, effectivement. Voilà, un dernier truc. Son avocat, interrogé sur le fait que c'était quand même un peu tendancieux comme preuve, a dit, et je cite, c'était juste un alibi solide. De la merde. Et là, je crois qu'on a tout dit. Tout dit, oui. Alors, maintenant, je vais inaugurer une super rubrique qui s'appelle le Super Quick and Dirty. Ah, là, c'est des vérifaces. Attention, c'est des infos rapides et que je n'ai absolument pas vérifiées. D'accord, cool. Comme toutes les autres, encore moins que d'habitude. Le koala en USB. Alors, Apple gagne contre Psystar. Donc la licence macOS X reste inchangée. Oui, okay. Bah, je l'ai lu ça aussi moi. Voilà. Donc Psystar, pour t'expliquer, parce que je vois que Manox est perdu. Non, Psystar, je vois pas ce que c'est. Bah, en fait, c'est une boîte qui fait des PC, mais avec des Mac installés dessus. En fait, ce qu'on appelle des Hackintosh. Ouh. Ouais. Voilà. Tu vois le jeu de mots Hackintosh. Hackintosh, d'accord, ouais. Voilà. Donc ils étaient en train de faire ça. Donc Apple a dit non, vous nous cassez les couilles et voilà, ils ont gagné plus ou moins. Bravo, bravo, bravo, bravo Apple. Bravo. Attention, une news absolument pas vérifiée et tout à fait invérifiable. La Chine organise les premiers JO de robots humanoïdes. Oh, j'ai vu aussi. Ah, cool. Ça tombe bien, tiens. Voilà quelqu'un qui confirme l'info et qui va nous dire plein de détails dessus. Je confirme, j'ai vu des vidéos, il y a des petits robots. T'as vu des vidéos? Ouais, ils font du sport, ils font plein de trucs. Alors apparemment, il y avait un truc important, il fallait que la chose ait deux bras et deux jambes. Est-ce qu'ils font de la natation? Pas de roulette, roulette interdite quoi. Donc c'est pas, ils font pas encore de jeux paralympiques pour robots. Hein. Mais donc ils vont courir vite. Hein. Ça va être sympa en tout cas. Ouais. J'ai hâte de voir ça quand même. Ouais, allez, à la suite. Il y a une petite ville des États-Unis qui a eu son réseau Wi-Fi coupé pour un téléchargement illicite. Ouais, j'ai lu ça aussi moi. Voilà, et c'est finalement la RIA et Sony, je crois, qui avaient lancé la procédure, ont laissé tomber, donc ils ont récupéré leur wifi, vont pouvoir continuer à télécharger des films de poney. Ah, c'est cool ça. Merveilleux. Ouais. Merci. Si vous avez une Xbox, que vous avez hacké votre Xbox pour passer des jeux que vous n'avez pas acheté dessus et que vous avez essayé de la mettre à jour, et bah félicitations, vous êtes banni à vie. Et définitivement du réseau de Xbox Live de Microsoft qui a apparemment banni carrément 1 million de consoles d'un coup. Bah ils sont très très cons. Avec l'IP en fait. Oui, mais le pognon va pas rentrer alors. Mais c'est stupide. Bah, le pognon rentrait pas en même temps si tu hackais les jeux. Ah, ça dépend, le Xbox Live, il devait le payer quand même, mais si tu veux. Mais oui. En gros, tu te connectes pour faire ta mise à jour. Si Microsoft détecte que ta console a été tripotée, il te bloque l'accès au Xbox Live. Donc, tu peux plus jouer. Ah, c'est tout, d'accord. Il te bousille pas ta. Non, il. Oh non, il explose pas à distance. Je pense que. Je sais pas, ils auraient pu avoir des contrats avec Amazon et tout. Enfin, ah, oui, non, possible. Je pense que Steve Ballmer avait peut-être prévu de le faire exploser, mais. Ah, tu me diras, elle explose toute seule, hein, la Xbox. C'est vrai. Il n'y en a plus pour très longtemps. Cette grosse brique, d'ailleurs, la mienne vient de crever. Elle a un beau cercle rouge. Une nouvelle fois. Et je suis triste. Non, c'est la. Enfin, elle était déjà crevée, puis je l'avais mis verticalement, elle avait remarché, puis là, non, ça ne le fait plus. Vite la merde. Essaye en oblique. Donc, il va falloir que quelqu'un m'en offre une autre. Hein. Ceci est un message à toutes les personnes. C'est bientôt Noël. Bientôt, un lecteur 1080p chez YouTube, et ça concerne directement Quacos. Ah. Ah. Pourquoi? Bah, je sais pas, on m'a dit que tu regardais beaucoup de vidéos. En 1080p. En 1080 sur YouTube. Sur YouTube. Ouais, ouais, c'est j'allais dire YouPut. C'est un autre site. Sur celui-là, oui, je le regarde en 1080. Voilà, moi je pense que c'est encore un truc qui va pas servir à grand-chose. Hein. Non, il y a aucun intérêt en fait. Bah, si tu. Peut-être que s'ils prévoient, parce que je crois que YouTube prévoit de louer des vidéos à la façon d'un vidéoclub. Ouais. Et là, effectivement, le 1080p, si ça rame pas à mort, pourra avoir son intérêt sur un écran HD. Non, intéressant. Oui, il faut avoir un écran HD déjà. Il faut avoir une putain de bonne connexion. Il faut avoir une putain de bonne connexion parce que c'est. C'est pas avec Free qu'on aura du 1080p. Voilà. Et puis, je vais finir avec un dernier truc. Ah. L'actu Marc Dorcel de la semaine. Ah. Et l'actu, bah, c'est qu'il n'y a pas d'actu. J'ai cherché comme un gros porc et j'ai vraiment rien trouvé. Je suis désolé, les mecs. Mais au moins, on aura cité Marc Dorcel une fois dans ce podcast. Ah, bon. Et je suis fier de ça. Bravo, champion. Bravo, voilà. Marc. C'était voilà. Bon. Personne sur le chat, là, en direct, n'a d'actu sur Marc Dorcel. Le mien, non. Moi, non. J'en ai une, mais je le dirai pas. Ah, ok. Écoute, te laissons donc la primeur. Oui, bon, allez, bah écoutez, sur ce, moi, je passe la main à Lord Ton Père qui a une superbe rubrique. Ouh. Et moi, je lui fous ma main. Ah, mais c'est le retour de la rubrique de Lord Ton Père. Ça faisait un petit moment était, même qu'on l'avait pas eu, celle-là. Elle était Lord énormément attendue la semaine dernière. Le nombre de personnes qui nous ont dit, mais où est LTP? Des j'étais pas là. Where is LTP? Surtout après ce qu'on a raconté sur toi en direct et tout, les gens étaient là, étaient, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. En fait, c'est la vraie raison pour laquelle on n'a pas mis le podcast en ligne. Ouais, c'est pour pas que ton père nous grille par rapport à ce qu'on a raconté sur lui. Surtout pour saloperie qu'on a dit. Surtout pour vous assigne pas, bande de salopards. Peut-être, peut-être. Enfin, allez, bon. Fais péter ma rubrique. Bienvenue sur la rubrique de Lord Ton Père. Bonsoir à tous, vous l'attendiez, vous étiez impatients, vous en aviez envie, et bien me voici de retour pour la rubrique de LTP. Ouais, Lord, ton corps bye-bye. Je sais. Il y a des gens qui nous reprochent qu'on fasse des petits bruits comme ça. Ton père, Lord, ton père. On traîne un peu trop sur les dernières voyelles, est-ce qu'il paraît. Ah, diantre. Ouais, diantre. Ce soir, donc, le sujet que vous attendez tous, les poneys au Kazakhstan. Mais avant, j'avais envie de faire une petite mise à jour sur deux autres sujets. Vous parlez un petit peu d'Adopi. Parce que j'aime beaucoup Adopi. Ah oui. Ouais, on voit ça. Et vous parlez un petit peu de Google Edition aussi. Ah. Alors à propos d'Adopi, en réalité, j'en avais parlé, je crois, dans le dernier podcast, si ma mémoire est bonne. Et j'avais fait également un petit article pour le journal PPI. Oui, exactement. Enfin, petit, il doit faire 6 pages. Mais tant c'est très ça, bien. Tant que ça. Ouais, ouais. C'est pas, c'est, très c'est, bon, c'est très pas un copier-coller de ta. Si, complètement. Que fait pour le podcast. Ah, quel feignasse. <quel fédial. rire> Je confirme, c'était un copier-coller. Mais j'avais un petit peu corrigé les choses. Ah. En réalité, j'ai reçu des emails qui me posaient des questions, ce qui m'a fait très plaisir. Et donc, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées. Ça va me permettre de combler cette rubrique sur la partie Adopi. La première question me vient de Ja3500, qui me pose la question suivante. Une fois qu'on a eu le premier mail d'avertissement, je me cale sur le download de films de poney, disons 6 mois, voire un an. Et ensuite, est-ce que si je recommence, je vais encore me taper un... Est-ce que le premier reste toujours valide pour, est-ce que je passe directement à la phase numéro 2 ou est-ce qu'il y a une sorte de remise à zéro au bout d'un certain temps? Bonne question. Alors, est-ce que tu as la réponse? Moi, je dirais qu'il y a une remise à zéro au bout de 6 mois. Tu as raison, cher Captain Web. Mais c'est un petit peu plus subtil. Mais je parle sous toute réserve parce que le sujet n'est pas évident. Je ne suis pas non plus le grand spécialiste d'Adopi. Je ne suis même pas sûr que ceux qui l'aient voté comprennent vraiment de quoi il parle. Parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, au niveau du fonctionnement d'Adopi, effectivement, la règle est celle des 6 mois. C'est-à-dire que premièrement, pour la première étape, l'Adopi ne peut pas être saisie pour des faits qui remontent à plus de 6 mois. 666. Exactement. Pour la deuxième phase, la règle est la même, c'est-à-dire que pour la mise en œuvre de la seconde phase de leur riposte graduée, c'est-à-dire deuxième email plus une lettre commandée, il faut qu'il y ait eu un nouveau fait qui est moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir de la première erreur, si vous tenez plus de 6 mois et un jour, en théorie, vous revenez à la première phase et non pas à la seconde. Ou si vous vous planquez plus de 6 mois et un jour. Non. Donc le chiffre 6 est extrêmement important. Exactement, mais il faut nuancer le propos parce qu'il n'est pas si important que ça. Parce que le chiffre 6 ne vaut qu'au niveau de la mise en œuvre ou du fonctionnement de la Hadopi. Autrement dit, en ce qui concerne les sanctions qui sont prévues, c'est-à-dire notamment la coupure Internet, la règle de 6 mois n'est absolument pas un fondement. Autrement dit, pour le délit de contrefaçon, il peut être mis en œuvre dès la première bêtise ou sans histoire de 6 mois. Le délit de contrefaçon subsiste malgré... Exactement, il est parallèle. Donc la DOPI n'est qu'une entité qui aide à rechercher la personne. C'est une sorte de détective privé du net. D'accord. Enfin, détective public. Par contre, en ce qui concerne la contravention dite de négligence caractérisée, dont on ne sait pas beaucoup de choses aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de ne pas sécuriser son accès Internet en dépit d'une recommandation valant mise en demeure de la Hadopi, là je pense que le délai de 6 mois est valable puisqu'on fait directement référence à l'Hadopi. Donc si, premier message, règle des 6 mois, si vous dépassez la règle des 6 mois, vous ne tombez pas dans la négligence caractérisée. D'accord. Mais ça c'est un avis qui est totalement personnel, donc non vérifié. Je pense que le délai de 6 mois est important puisque le gouvernement veut qu'en matière de chasse des internautes, les ayants droit passent uniquement par le système Hadopi, donc la règle des 6 mois est quand même particulièrement importante. À ne pas négliger quoi. À ne pas négliger. Voilà pour la première réponse. Est-ce qu'il y a un délai maximum entre deux rappels à l'ordre, c'est ça? Non, c'est-à-dire que il faut, si tu fais une bêtise à l'intérieur du délai de 6 mois, boum. Okay. Imagine, tu fais une bêtise le 1er janvier, tu te tapes un email, une recommandation, tu recommences le 1er février, boum. C'est reparti quoi. Mais si tu l'as fait le 1er décembre suivant, le délai de 6 mois est passé. Ok, voilà. Alors par contre, est-ce qu'il y a un délai minimum? C'est-à-dire, ok, l'Hadopi me chope à lundi, si tu veux, en train de télécharger un truc. Donc le mardi, il m'envoie la lettre, blablabla, quoi. J'ai toujours pas reçu la lettre, le mercredi, tchac, Hadopi me rechoppe une seconde fois. Eh ben, tu te bouffes ta lettre recommandée. Donc d'accord. Donc moi, à mon avis, il n'y a pas de délai minimum. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais on n'en est pas certain parce que le décret n'est pas publié de toute façon. Alors, il sera publié quand? Alors, ça fera l'objet de la prochaine news. Attention, on y arrive, Non, pas du tout. D'abord, je vais répondre à une deuxième question qui m'a été posée par Herman. Voilà Herman. Herman, A-I-R-M-A-N. Alors il nous précise, vous parlez du changement partagé en P2P, en peer-to-peer, qui semble particulièrement concerné par la loi Hadopi. En effet. Il me demande quid du streaming et quid des téléchargements via des sites de download du type Mega Upload, RapidShare, voilà, mais c'est la Hotfile. Ça alors ton père, c'est la question que je te posais la semaine dernière. C'est comment est-ce que Hadopi réagit face au streaming? Je vais essayer de te répondre. La semaine dernière, il était à Prague. Il y a deux semaines. quand il parlait d'Hadopi, quoi. Bref. Il y a deux semaines, il était en prison. Alors vas-y, réponds-nous, c'est important, les gens ont envie de savoir ça. Je continue la question de Herman. Ensuite, il me pose la question par rapport aux IP dynamiques. Savoir si le fait que l'IP change aléatoirement, comment l'Hadopi va vous gauler. Alors, je vais essayer de répondre à ces deux choses. Et là, je parle sous le contrôle du Captain Web. Moi, je pense que l'IP, ça ne change rien, parce que de toute façon, le fournisseur sait à quel moment tu utilises l'IP. Exactement. Donc, de ce côté-là, moi, à mon avis, l'IP dynamique, c'est un faux problème. Puisque non, ce n'est pas un problème du tout. Ouais, ça... Moi, je sais, personnellement, j'ai une IP dynamique, parce que j'ai un très vieil abonnement WANADOO. Mais je pense que les opérateurs ont des logs très précis et ils savent à quel moment quelle personne a telle IP. Et moi, je le sais parce que je reçois une requête de justice tous les 3 semaines et je sais qu'ils savent très bien détecter depuis la presse IP. Donc, voilà, ça, l'IP, c'est réglé, l'IP dynamique, ça change rien. Je pense que Hadopi n'aura aucune difficulté pour associer une IP dynamique et monsieur Intel. D'accord. Et concernant le streaming, parce que ça m'intéresse. Alors concernant le streaming, là je vais parler uniquement par rapport au texte. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que j'ai des copains qui mettent des trucs en streaming et je voudrais pas qu'il y ait des... Ah, leurs vidéos de vacances, tout ça. Voilà, c'est ça. Okay. Bref. Nous allons contrôler tout ça. Le texte de loi sur l'Hadopi en réalité ne précise absolument pas les moyens techniques. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous êtes coupable de contrefaçon via un service internet, vous êtes coupable et vous encourez la sanction internet. Mais le texte ne prévoit absolument pas les méthodes techniques. Et je pense que c'est uniquement en fonction de l'état de la technique et de l'ingéniosité des gens qui vont essayer de vous piéger. D'accord. Alors, évidemment, le système est plutôt pensé autour du système de l'adresse IP. C'est un petit peu la seule chose qui peut être mise en œuvre, me semble-t-il, mais je ne suis pas un spécialiste technique. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Adopi peut non seulement interroger les FAI, mais aussi les hébergeurs de fichiers. Alors évidemment, un système comme RapidShare, là je parle sous le contrôle de Quacos, c'est des systèmes qui sont à l'étranger. RapidShare, Mega Upload, c'est américain. Tout à fait. RapidShare, il me semble que c'est allemand. Voilà, en tout cas, c'est pas sur le territoire français, donc je suis pas sûr que ces hébergeurs-là répondent aux sollicitations de l'Adopi. Mais par contre, si Adopi arrive à lier une IP française à un fichier qui se trouve stocké sur un serveur étranger et qu'il arrive à connaître le contenu du fichier étranger, ils n'auront pas de soucis pour mettre en œuvre l'Adopi. Le problème du stream, c'est de voir s'ils peuvent savoir combien de temps la combien la personne est chargée sur le stream. Parce que si la personne se pointe sur le stream, qu'elle voit que c'est un fichier piraté, qu'elle coupe tout de suite la connexion, tu vois. Oui. Non, mais en plus, c'est puni, quoi. C'est pas évident. Mais en tout cas, le fait d'être la loi Adopi prévoit pas de méthode technique. Oui, d'accord. Donc c'est le jeu de la chatte à la souris. C'est un peu, chacun se démerde comme il peut. T'habites ton couteau. Mais évidemment, ce qui est visé, c'est le système de l'IP et le peer-to-peer dans un premier temps. C'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est quand même très ciblé sur le peer-to-peer. Et finalement, le peer-to-peer aujourd'hui, lorsqu'on parle de films, lorsqu'on parle de musique, parce que c'est quand même ça que ça cible essentiellement, Adopi, on se dit, ça semble un petit peu. Has-been, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais. Alors, on me dit sur le chat deux choses. Déjà, on me dit que la liste surveillée par Adopi, c'est 10 000 chansons et 1 000 films. Alors, voilà. Je sais pas si c'est exact, mais c'est très possible, quoi, que de toute façon. En réalité, c'est très ciblé, si tu veux le vérifier. C'est super ciblé. Et la deuxième chose. L'authenticité des logs. Voilà, exactement. Bon, alors là, après, ça dépend de la confiance que tu mets dans ton FAI, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est une excellente question, et sincèrement, j'ai pas de réponse précise à ce sujet-là. Mais c'est un vrai problème, oui. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que si on fait une expertise du système de lock ici et chez le FAI et qu'on connaît parfaitement son méthode de fonctionnement et ses algorithmes, à la rigueur, je pense que ça peut être recevable. Qu'est-ce qui se passe si l'Adopi demande à un FAI « Donnez-moi l'IP pour telle adresse » et que le FAI est incapable de la donner? Ça, c'est un sujet intéressant. Excellente question. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a saboté tous les logs? Comme disait Lord Tomper, on se retrouve confronté à des problèmes techniques. Si c'est une impossibilité technique, c'est un cas de force majeure. Voilà. Donc, je pense pas qu'on puisse dire au FAI. Vous êtes d'accord? Mais si c'est un sabotage. Mais c'est pour ça que ça précise bien que c'est du cas particulier, quoi. Je vous présente Captain Web, Yuri du Cyberspace. Je suis sûr que ça arrivera à un moment ou un autre, si tu veux, les mecs ils vont merder les logs et ça va faire une histoire pas possible. C'est possible. Bien sûr. Mais je pense que le système de log des FAI doit être particulièrement bien rodé. Normalement, il doit être redondé minimum deux fois, plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Deux petites précisions sur Adopi avant de passer à un autre sujet. Donc la source est Numérama. Le député UMP François Lousse a demandé au ministère de la Culture quand est-ce que les décrets Adopi seraient ready. Et il semblerait avant la fin de l'année. Voilà la réponse qui a été donnée. C'est ce qui était prévu d'ailleurs aussi, quoi. Oui. Donc on a hâte de voir. Ils sont assez cassés le cul comme ça pour aller sortir qu'ils vont. Mais alors c'est vrai que la rédaction de ces décrets ne doit pas être évidente parce que l'articulation entre le délit de contrefaçon et la contrefaçon de négligence caractérisée n'est pas évidente. La grande difficulté aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que les logiciels de sécurisation. Alors, c'est encore dans le jeu, les logiciels de sécurisation? Ah, tout à fait, oui. D'accord, donc il va y avoir... Puisque la négligence caractérisée, c'est le fait de ne pas sécuriser ta connexion. D'accord. Et pour ce faire, il faut que tu utilises un logiciel de sécurisation qui réponde au cahier des charges d'Adopi. Logiquement, dans le décret, il va devoir y avoir exactement la description de ce logiciel, de ce qu'il doit faire. Ou du moins ses fonctionnalités. Voilà, exactement. Et donc, ce qui veut dire que tant qu'un éditeur n'aura pas sorti un logiciel qui corresponde à ses normes, en théorie, il y aura toujours quelque chose à opposer. En tout cas, au niveau de la négligence caractérisée, pas au niveau de la contrefaçon. Ouais, enfin en même temps, si tu dis que c'est pas toi qui l'a fait, si tu veux, tu retombes sur le premier problème. Ouais, c'est toute la difficulté, parce que le logiciel de sécurisation, on peut le concevoir de deux manières, à mon sens. Soit c'est un système qui va filtrer le contenu, c'est-à-dire que le logiciel, une fois qu'il est installé, il t'empêche de te connecter sur tel site ou d'accéder. C'est la première manière dont on peut le voir, mais là ça pose un gros problème par rapport à la liberté d'expression. Et aussi des problèmes de concurrence, etc. Ou alors on peut le voir d'une seconde conception, et j'ai l'impression que c'est celle-là qui va être retenue, d'après les petites choses que j'ai pu glaner sur le net, mais c'est pas sûr. En réalité, ce serait plutôt un filtre de la personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le logiciel qui va être installé par l'Adopi sur l'ordinateur va s'assurer que la personne qui se connecte est bien telle personne. Que la personne puisse pas dire ensuite, c'est pas moi qui utilisais mon ordinateur. Justement, à ce sujet-là... C'est là où c'est très fourbe, si c'est vraiment ce système-là, c'est que le délit de contrefaçon devient beaucoup plus facile à démontrer. C'est un délit. Donc, vaut mieux ne pas installer le logiciel, se taper une contravention de 5e classe, plutôt que d'avoir un délit de contrefaçon où tu peux aller en tôle. Ok. Mais j'ai vu à ce sujet-là un truc intéressant, un logiciel qui circulait l'autre jour, je n'en parlais pas aujourd'hui, mais c'est un logiciel qui te permet de savoir s'il y a d'autres personnes que toi qui utilisent ton réseau, qui en fait repère les adresses MAC qui traînent sur le réseau et qui te disent si ta connexion est piratée. Et en rapport peut-être avec cette histoire de logiciel certifié, il y a peut-être quelque chose à mettre en relation. C'est quoi ton logiciel encore chelou, la Captain Web? En USB, non, j'imagine. Non, c'est un logiciel que tu installes sur ton PC. C'est une écharpe. Enfin bon, bref, ça promet. En tout cas, on en saura beaucoup plus avant la fin de l'année, parce que là, on tire un petit peu des plans sur la comète. Ouais. Alors, Lord ton père. Dernier point. Le Parti Socialiste a dit que de toute façon, il attaquerait le décret et la circulaire et paf devant le Conseil d'État. Ouais, et donc, voilà. Pour emmerder le gouvernement. On n'est pas sorti de la merde. Et enfin, dernier type loin sur la DOPI avant de passer au sujet suivant. J'ai lu ça dans Ouest France. Il y a un accord qui aurait été négocié au niveau européen en ce qui concerne le paquet télécom. Et dans le paquet télécom, il serait précisé qu'on ne peut couper l'Internet qu'avec une décision du tribunal, mais laquelle respecte les droits de la défense. Et dans Ouest France, il se pose la question, est-ce que ça n'est pas incompatible avec la procédure de l'ordonnance pénale? Question, point d'interrogation. Bonne question, très bonne question. Incapable de répondre. Moi non plus. Je pense que d'autres personnes le feront. L'autre ton père va répondre. À suivre. Petit sujet suivant sur Google. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il est bon ce dia avec ça. Cette transition c'est la musique est parfaite. Ça. Alors juste un tout petit mot très bref sur Google Book. Dans l'apéro du Capitaine numéro 9 qui s'intitulait Dying Rectifrice. Dying. Ça y est, sacré Dying. Rectifrice. Avec Gorgoroth. Gorgoroth est quelqu'un de bien. Il est assez dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Donc j'avais fait un petit sujet sur Google Édition, sur la numérisation des livres. Je vous avais précisé, donc allez réécouter cet apéro du Captain, ça fera augmenter nos stats de téléchargement. Mais oui. J'avais précisé qu'en 2005, il y avait une plainte qui avait été déposée par la Author Guild et par l'association des éditeurs américains. Ouais. Entre-temps, il y a un accord qui a été trouvé, j'en ai parlé dans le podcast avec ces éditeurs-là, où Google avait décidé de faire un gros chèque, enfin petit chèque pour calmer tout le monde. Ouais. Mais le département d'État, le Microsoft et compagnie, les États européens, tout le monde gueulait en disant que l'accord n'était pas terrible. Ouais. Et il fallait donc revoir l'accord et la deadline, c'était le 9 novembre. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc en réalité, l'accord a été reçu, je crois, le 13 novembre par le juge. L'accord a été révisé. Alors, je ne suis pas capable de vous dire la totalité des points qui ont été révisés. Je vais me concentrer sur les trois que j'ai relevés. Ah, premier. Premier, vous vous souvenez du registre de droits sur les livres qui était censé collecter le pognon? Ouais. Ouais. Eh bien, il a été prévu en ce qui concerne les œuvres orphelines, c'est-à-dire celles pour lesquelles on ne peut pas attribuer un ayant droit particulier. Ouais. Eh bien, qu'au bout d'une période de 10 ans, les sous-sous sont reversés à des œuvres de charité. Ah. Oh, ils sont gentils. Trop cool. Deuxième point extrêmement important, l'accord ne va concerner finalement que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. C'est-à-dire que Google va devoir négocier avec tous les autres pays du monde, et notamment les pays européens, c'est-à-dire France et Allemagne, qui vont accueillir très froidement Google. Très très froidement. Enfin, dernier point, mais pour moi qui est assez peu précis, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'infos, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour accroître la concurrence, c'est-à-dire que les concurrents de Google pourront vendre les mêmes œuvres, et il y aura une souplesse dans la fixation des prix. Alors, Google devra mettre à disposition l'intégralité de son catalogue. Ben, c'est ça dont je ne suis pas sûr. D'accord. C'est ça dont je ne suis pas sûr, donc je vais essayer d'avoir plus d'infos. Alors sachez que cet accord, maintenant qu'il a été reçu, le ministère de la Justice américain doit présenter des observations en février, et l'accord final du juge sur cet accord amendé doit intervenir avant le 18 février 2010. Donc je vous donne rendez-vous pour le podcast de février 2010, où on en causera à nouveau. Et maintenant, je passe au sujet que vous attendez tous. Attention, le sujet qu'on attend tous. On laisse la surprise ou... Jingle. Attends, petit jingle. Ah, le jingle, il est fabuleux. Alors, je vous propose, avant de commencer ce sujet, de passer le message téléphonique qui m'a été envoyé par Nico. S'il vous plaît. Alors, salut à tous, c'est Nico. Alors, j'aurais voulu savoir si Lord ton père aurait pu faire un dossier sur la reproduction des poneys au Kazakhstan. Dans le même genre que celui sur Adopi, avec des acteurs et tout. Voilà, merci, à plus. Ah voilà vraiment un sujet passionnant. Et tu as réussi à faire un dossier sur les poneys du Kazakhstan? Eh bien écoute Nico, oui, j'ai entendu ton souhait. J'ai fait ce sujet sur les poneys au Kazakhstan. Je dois te préciser que tu m'as pourri mon week-end. C'est vrai. Tu m'as pourri mon dimanche soir. Mais maintenant tu es un spécialiste en poneys kazakhstanais. Je dirais même qui t'a crotté ton week-end. Hein. J'ai levé la papatte et j'ai fait pipi partout. Avec son petit sabot. Avec mes sabots. Alors, je crois que la véritable question de Nico, c'était de savoir, est-ce que chez Captain Web, on est capable de parler de tout et surtout de n'importe quoi? De n'importe quoi, je le confirme. Ah, hein. Donc, de n'importe quoi, on peut le faire. De tout, c'est autre chose. J'avais aucun doute là-dessus. On m'a dit qu'il y avait un poney dans la salle, là, actuellement. Ah bon, il y a un poney, là Un poney kazakh. Ouais. Alors, vous avez remarqué que dans le message de Nico, il précise qu'il voulait des acteurs. Oui, alors malheureusement, je suis actuellement en congé. Ah, voilà, c'est bien. Non, est-ce que je précise, Manox est en train de bouger cette putain de lampe qui... Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu vas pouvoir retirer tes lunettes de soleil. Voilà. Eh bien, j'ai besoin d'un poney dans cette salle. Et cher Manox, comme tu es ma victime favorite, je souhaiterais que tu fasses le rôle du poney. Donc, c'est une question d'anatomie aussi. Je pense que c'est voilà. Celui qui... c'est le seul à avoir des sabots. C'est un compliment. Donc, je souhaite que régulièrement, tu fasses des bruits de poney, des bruits de sabots. N'hésite pas à me parler en tel un beau poulain que tu es. Engageons le sujet, parce que vous êtes tous impatients de l'entendre. Je suis un poney du Kazakhstan. J'ai une belle crinière. Oui, tu es beau, calme-toi. J'ai le poil drou. Calme-toi, sinon c'est l'abattoir. Ça se mange, le poney? Oui. Non. Je vais y venir. Ah, ok, bon. Je veux pas griller ton effet. Eh non, surtout pas. Alors, la première question que je me suis posée, c'est d'abord, mais qu'est-ce que c'est qu'un poney? Qu'est-ce que c'est qu'un poney? C'est un croisement. C'est un équidé court sur pattes. Eh bien, écoute, cher Quacos, tu n'es pas loin. Bah, je le sais. C'est un peluche. Alors, le poney au féminin, ponette. Ponette. Ouais. Au fait, Manox, femelle ou masculin? I'm a real pony, I'm a real man. You know what the fuck I'm saying? J'ai bien fait de te choisir. Eh bien, écoutez, la définition courante du poney est un cheval de petite taille. Exactement, à courte patte. La Fédération équestre internationale a donné un critère. Ah oui, il y a une hauteur maximum d'assises. Un poney. Vous êtes des spécialistes du poney. Attends, est officiellement tout cheval de moins de 1,48 mètres. Ah, j'allais te le dire. Au garrot. Alors le garrot, c'est quoi? Alors le garrot, excellente question. Chez les quadrupèdes, le garrot est la zone du dos qui est située à la base de l'encolure. Exactement. Et à l'aplomb des épaules. C'est là où tu t'assois, quoi. Alors rappelons pour nos amis amateurs de poney. C'est là où tu poses tes testicules. Pas du tout. Mais alors ton père, tu es toi même un quadrupède. L'encolure tu voyais pas les gestes, c'est dommage, quoi. L'encolure, si vous voulez, c'est le cou. La bite. Le cou du poney. Et c'est et le garrot, c'est l'endroit où le cou devient fait une sorte d'angle avec le dos. C'est les omoplates, quoi. Voilà, en quelque sorte. J'ai une belle encolure d'1m43. C'est là où il y a la crinière. Voilà, donc ça, c'est la définition selon la Fédération équestre nationale du poney. Maintenant, partons au Kazakhstan. Est-ce que tu les as contactés quand même? Ah, je vais te dire ce que j'ai contacté pour vérifier mes informations. Ok. Je peux dire galopons jusqu'au Kazakhstan. Donc, comment sont les poneys du Kazakhstan? Alors, le Kazakhstan, il faut quand même dire d'abord ce qu'est le Kazakhstan. C'est un pays indépendant depuis 1991, ancien dominion de l'Union de l'URSS, qui touche la Russie, la Chine, la mer Caspienne et la mer d'Aral. J'ai vérifié sur Google Maps. Question, y a-t-il des poneys au Kazakhstan? Réponse, oui. Et oui. Mais il y en a partout. Et oui. Et savez-vous comment ils s'appellent? Des Kazakhs. Exactement. Oh ah ouais, ce que j'ai dit. Le poney du Kazakhstan s'appelle le Kazakh. Mais excuse-moi, la population du Kazakhstan ne sont pas appelés des Kazakhs également? Ça, c'est un autre problème. C'est parce que cette population est constituée à 90% de poneys. Parce qu'on parle aussi des chevaliers kazakhs. Ah, exact. Qui chevauchent un poney kazakh. Attends, tu veux dire qu'il y a des guerriers qui chevauchent des poneys, quoi. C'est pas très sérieux quand tu fais attaquer par ça. C'est pas très sérieux, quoi. Mais sur le chat, quelqu'un nous disait que Passepartout pouvait être un poney, quoi. Moi, oui, mais ça n'est pas un quadrupède. Ah, on sait pas, ça. Enfin bon. Et savez-vous que la taille du Kazakh est en moyenne de 1,42 mètres? Donc il répond à la définition. Attends, 1,42 mètres au garrot. Donc, au garrot, si j'ai bien, au garrot, bien entendu. Et donc le garrot, c'est la base du cou, quoi. Alors sachez que le Kazakh est généralement monté, mais ils sont aussi élevés pour le lait et la viande. Ce sont des belles bêtes. Double fonction, moyen de transport, moyen pour bouffer. Est-ce qu'on peut éventuellement leur faire des choses? Parce que ça pourrait être. Dans quel type de fromage est-ce qu'on trouve du lait de Kazakh? Je ne sais pas. Ah. Si c'est en vente au supermarché, je veux le savoir tout de suite. Le sujet n'était pas les fromages du Kazakhstan, mais le poney du Kazakhstan. Mais c'est vrai qu'on mange du saucisson d'âne. Pourquoi on ne pourrait pas manger du saucisson de poney? Tout à fait. Exactement. C'est très high-tech comme sujet, hein, le saucisson d'âne. Alors, je ne résiste pas à vous citer cette description du cheval kazakh que j'ai trouvé je ne sais trop où. Ouvrez les guillemets. C'est un petit cheval capable de porter des adultes, très rustique. Point virgule, pas très rapide, mais puissant et robuste, rustique, sobre et résistant, très endurant. Énorme appoint pour les nomades, capable de les transporter sur 50 ou 100 km par jour, de supporter le froid, le franchissement des montagnes, de fournir lait et viande. Et j'ai choisi une belle bête. Fais-nous un petit hennissement, s'il te plaît. Un hennissement. Oui, c'était pas très fort. Tu mérites l'abattoir. Attends, je me chauffe les cordes vocales. Ah. Sachez qu'il y a deux races de poneys kazakhs. La première race qui s'appelle le Jabé ou Zabé, qui est très résistant au froid et à la fatigue, est élevé pour la viande et le lait de jument. Je précise, je vous cite pas la phrase en anglais, parce qu'elle m'a fait rire de longues minutes. Mais en gros, ils expliquaient quand même que c'était un peu une race de merde. Oh, attends. Non. Tu insultes la race kazakh. Comment oses-tu dire une chose pareille? À cause de ça, bon, paf. Attends, on pose des questions sur le chat là. Ah. Est-ce que le poney kazakh suce ou pas? Eh bien, écoutez, je n'en ai pas rencontré personnellement, mais je pense qu'il lèche. Ah, voilà qui est intéressant. Et pour combien? Pardon. Non, mais là, on tombe dans le grave bleu. La deuxième race de poney kazakh, c'est les Adaevs, qui sont plus petits et plus typés pour la selle. La tête est plus légère, l'encolure plus longue et le corps compact. C'est la race est réputée pour avoir un trot très inconfortable. Ah, donc ils sont pas terribles en gros les poneys kazakhs. Non, pas terribles. Alors, la question qui m'était posée, c'est que dire sur la reproduction du poney kazakh? Parce que c'était ça sujet. Oui. Alors, comment ils font? Je vais pas m'attarder sur la pratique sexuelle du poney kazakh, mais sur les taux de natalité du poney kazakh. Ah, mais t'as pas des chiffres, genre combien de coïts par jour? Attention, alors là, on va savoir combien de poneys sont nés. C'est très difficile d'obtenir des chiffres sur les poneys au Kazakhstan. J'ai énormément souffert. Dans Wikipédia, il n'y a pas une rubrique poney kazakh, il y en a qui font tout. Si, ils parlent du kazakh, mais pas des chiffres, et j'ai dû aller les chercher ailleurs. En réalité, je me suis livré à quelques extrapolations. Sur un site en .kz. Pas du tout. Je me suis livré à quelques extrapolations. Je vous donne les chiffres un peu bruts, ce qui va pouvoir nous permettre de déduire si le poney kazakh est un fin reproducteur ou non. Un fin limier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit cheval est répertorié dans les steppes de son pays natal depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. C'est vrai. Donc il se reproduit quand même depuis cette date. D'après le International Encyclopedia of Horse Breed de l'Université d'Oklahoma, édition révisée en 2007, je tiens à le préciser, d'accord. La population de ce poney serait de 300 000 têtes au Kazakhstan. Mmh. Donc la bête est quand même nombreuse. Ah oui, il y en a pas mal. Eh ouais, ça fait 1 200 000 pattes. Il y en a plus qu'au jardin du Luxembourg. Ça fait combien de couilles? Oh my god! 600 000! 600 000, mon enfant! On n'a pas vérifié qu'ils en avaient tous deux. Donc il y a 600 000 paires de couilles de poney au. Non, 600 000 paires ou 600 000? Alors j'ai été sur le chiffre. J'ai été sur le site de la FAO et j'ai trouvé les chiffres d'exportation de viande chevaline. Ah! Sachez que le Kazakhstan est le 3e producteur du monde. Quand même! Ouais. Alors, de viande de cheval. Donc, c'était pas une question vraiment inutile, inopportune. Et non, on apprend beaucoup de choses ce soir. Pour un podcast high-tech, c'est passionnant. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre inclut à la fois la viande chevaline et la viande de poney. Donc, c'est pas évident de savoir la proportion entre les deux. Ah oui, 56 300 tonnes en 2005. Ouais, ça fait de production. Mais sachez que le Kazakhstan est aussi le 4e consommateur mondial et qu'ils ont consommé 56 210 en 2004 de viande chevaline. Donc, ils n'exportent pas beaucoup. Voilà. Alors, dernier petit calcul, ce qu'il faut savoir, c'est que le poids d'un poney en moyenne est entre 300 et 400 kg. Ah, j'y ai sois une belle bête. Donc, s'il bouffe 56 300 tonnes de poney par an, ça fait 140 000 poneys abattus par an. La moitié, Attends, la vache. C'est presque autant que Kentucky Chicken. Si on a 300 000 par an, c'est que ça se reproduit quand même bien. Carrément. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des bêtes de compétition? Moi, j'avais vu une fois un reportage sur un taureau corse. Oula, là, on parle d'autre chose quand même. Pour lequel il passait la journée à le branler parce qu'il vendait la fiole de sperme se vendait 1000 euros quand même. Ah putain, c'est un bon. Pour la reproduction. Donc le mec, il y allait toute la journée avec son taureau. La branlette de taureau, ça rapporte. Il avait acheté une machine à 30 000 euros pour branler automatiquement la vache. Excuse-moi Yann, mais voilà, c'est ça. J'ai la question que j'avais posée, c'est que t'es en train de nous dire que les Corses branlent des taureaux. Exactement. Le mec expliquait qu'avant d'acheter la machine, il y allait au gant. Et robuste poignet. Donc, le mec, il devait se muscler quoi. Tout ça pour revenir au poney kazakh. Est-ce qu'il y a un trafic de sperme de poney kazakh? Écoute, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que ça représente 50% du PIB du pays? Je ne sais pas. D'accord. Mais par contre, ce que j'ai lu sur ce que j'ai lu pendant mes recherches, c'est qu'effectivement tous les ans il y avait un concours du plus beau poney ou des trucs dans le site. Oui, ah ça ouais. existe. Donc, c'est voilà. vrai. Donc voilà. je pense que cette bête là, donc chers amis, sticker toute la journée si pour vendre. Aimez, si vous aimez les poneys, bah écoutez. Alors vous voyez d'ailleurs une photo sur le chat où je me suis permis de c'est vous moi. Montrer à la fois un cheval en grand et un poney en petit. Mais est-ce que c'est vraiment un poney kazakh? Et le Captain Web d'ailleurs est en train de dessiner quelque chose d'absolument horrible. Absolument pas, je vois pas de quoi tu parles. Je Captain Web, tu es en train de dessiner une sorte de... Voilà, donc un auditeur m'a mis souhaitait avoir des informations sur le poney au Kazakhstan. Si vous n'avez pas aimé ce sujet, si vous n'en pouvez plus d'entendre ça, c'est à lui qu'il faut se plaindre. Voilà. On va donner son email et son adresse. Oui, voilà, on donnera son email à la fin de l'émission s'il se dénonce. Voilà. C'était bien. Alors, cher Quacos, ce soir, est-ce un oiseuf ou un quoi conteste? Eh ben, il y a les deux. Oh! Eh oui, parce que je n'ai pas chômé cette semaine. Certains ont pu le voir et le lire tout de suite, quoi qu'on teste. Hein? Dis donc là, c'est quoi qu'on teste? Quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? Eh oui, pour vous, teste. Chers auditeurs, Quacos a testé Twitter. Ah, oh. Et j'ai, croyez-moi, parce que je suis sur Twitter 24h sur 24, il a donné de lui. Hein. Il était sur Twitter, il était j'ai là. J'ai donné il de l'info. Il a envoyé des news qui étaient retweetées, etc. Mais je vais te laisser. Il aime bien. Je vais un petit peu développer. Bon, ça va être rapide quand même. Je remets un petit peu l'historique en place. Mon compte Twitter, je l'avais quand même créé en février, me semble-t-il. Suite au Captain Web qui me parlait de cet extraordinaire programme social qui pouvait être Twitter. Et donc j'avais créé ce compte Quacos pour qu'on ne me le pique pas en fait. Mais je n'ai réellement commencé à tweeter que la semaine dernière. C'était pas volontaire à la base, c'est parce que pour la sortie de PPI, le Captain étant quelqu'un qui dort assez tard le matin... Quoi? Et ben, si je voulais le mettre en ligne le plus tôt possible, j'ai dû le tweeter. Je crois qu'il est temps, de dénoncer les personnes qui sont la cause de ce PPI, du retard de ce PPI numéro 2. Il est là, il est à côté, il est en train de discuter avec Manox. C'est Lord Tempère. Lord Tempère. Mais bon. Pas du tout, pourquoi? Non, c'est pour rien. C'est rien, Lord, t'inquiète pas. Toujours est-il que donc, mon premier vrai tweet avec des followers, c'était bien sûr donc pour PPI. Voilà. Donc t'as eu pas mal, t'as eu des retours, si je me souviens bien. Il y a eu des retours directement. À cette époque-là, il me semble que je n'avais qu'une quarantaine de followers, qui m'étaient à 90% donnés par le Captain, n'est-ce pas, comme d'habitude. Ah oui, parce que moi je suis quelqu'un de généreux, hein, je donne mes followers. Exactement. Et donc après, je me suis dit, allez, je me lance cette semaine, je teste Twitter et la force de Twitter. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Quelques chiffres quand même. Donc premier chiffre, donc. Commençant à 40 followers, ouais. Après quelques menaces et quelques demandes par-ci par-là, j'ai quand même fini en une semaine à 117 followers, il me semble-t-il. Tu oui, peut-être 100, un peu plus. 117 followers dû pour beaucoup à ton chantage atroce concernant le live. Écoute, j'ai calculé la semaine dernière. Qui viennent du chantage, il y en a à peu près 47 quand même seulement. Ah, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Qui viennent de toi, tout compris, il me semble qu'il y en a 80 à peu près. Ah. Et 37 sont venus me voir de même. Et on me dit sur le chat qu'on t'a rajouté quelques fois. Je vais les vérifier en direct si tu as dépassé la barre fatidique des 150. Ah, non, j'avais dit 135, je l'avais baissé, j'étais cool quand même. Ah, 135. Voilà. Ah, c'est le moment, les gars, pour sortir tous vos comptes fake, ceux que vous gardez de côté, etc. Ils seront repérés directement. Donc voilà, j'ai posté un petit peu, parce que je me suis pris un petit peu au jeu, bien sûr. Les chiffres sont, donc si j'enlève les tweets que j'avais fait pour tester au départ, j'ai dû faire à peu près 190 tweets en une semaine. Putain, tu tweets pas mal quand même. Pas mal, hein, quand même, dans la journée. C'est ce que je fais en une journée. et qu'est-ce que t'as raconté? Écoute, que des trucs très intéressants. Est-ce que vous voulez que je vous cite les derniers tweets de Quacos? Oui. Oh la vache, vas-y, ouais. Alors, le dernier, c'était l'apéro, c'est pour bientôt. Ah, monsieur. Ah, belle rime. Alors, c'est plus facile avec des cartouches NES que DS. Et là, il y a un lien, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que des liens. Hein. C'est toujours. C'est quasiment que de l'actualité. Quand son même, meilleur tweet de la journée. Noël arrive, comme d'hab, aucune idée de cadeau pour votre femme. Heureusement, cette année, Quacos, c'est sur Twitter. Voilà. Je vais donner une idée de cadeau pour les femmes de j'aimerais auditeurs. Citer deux tweets de Quacos. Le premier, c'est la religion du burger, point d'exclamation. Et geek ne veut pas dire pigeon, trois points d'exclamation. Je n'ai pas suivi le contexte. Mais il y a des liens, il y a des liens qui vont avec quand même. Il y a tout un contexte quand même. Ce sont des petites introductions aux liens que j'envoie. Voilà. Donc il faut quand même savoir donc que sur mes 117 followers, je ne sais pas trop comment ça marche l'histoire de liste, mais je suis listé dans 16 listes différentes. C'est pas mal. J'en ai relevé quand même 4. Il y en a un qui s'appelle quand même Poney Atrophie de l'anus. Oh my god! Je crois que le deuxième à être sur cette liste, c'est le Captain. On est deux dessus et on en est fiers. On est bien sûr dans la liste Poney. Hein, Captain, toi aussi, je suppose. Je suis dans la liste Poney. Oui, mais j'ai demandé à ce qu'on nous rajoute dans plein de listes Poney. Étrangement, j'ai été listé, je ne sais pas d'où, dans Software. Alors, peut-être que certains ont lu du quoi qu'on teste, mais j'ai jamais testé de Software vraiment. C'est bizarre. Donc, c'est assez étrange, mais je suis quand même dedans. Et le dernier, quand même, que je cite, c'est divers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à me classer. Ce qui est quand même assez étrange. Inclassable, quoi. Je ne pensais pas être si inclassable. T'es quand même dans pas mal de listes podcasters. Après, voilà, c'est les classiques blogs, podcasts, trucs comme ça. Quoi. Ouais. Donc voilà un petit peu. Et comme le capitaine vous en a parlé tout à l'heure, j'ai testé un petit peu la force de Twitter. C'était un petit peu l'intérêt du truc. C'est-à-dire savoir combien je pouvais récolter de followers. Chantage, non. Certes, mais tous les moyens sont bons, n'est-ce pas? D'ailleurs, il me semble que, Captain, tu m'as raconté l'histoire de je ne sais plus qui avait créé un petit algorithme, un petit programme. Oui, qui... exact. Il faut savoir que l'utilisateur Twitter le plus connu, en France en tout cas, c'est Jean-Luc Raymond, si je me souviens bien. Attends, lui, c'est le mec qui utilise le plus Twitter. Ah, attention, c'est la personne qui a le plus de followers. C'est le big tweetos, quoi. Alors, Jean-Luc, combien de followers il a? Alors, à ce jour-là, je vais vous le dire exactement. Il en a beaucoup. Non mais c'était 30 000, quelque chose comme ça, non, tu m'avais dit. Oui, de plus que ça à mon avis, 103 981. Ah oui. Pas mal. Alors la technique pour l'avoir, comment voilà. Il a fait? Eh ben la technique pour l'avoir, c'est simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un robot. T'es de la merde. Ton robot va suivre toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur Twitter ou même les anciennes. Quand quelqu'un te suit, tu le suis en retour. Enfin non, quand tu suis quelqu'un qui te suit en retour, eh ben tout est bien, un pour un. Quand au bout de 3 jours la personne ne t'a pas suivi, eh ben, tu le vires de ta liste. Paf. Et voilà comment automatiquement récupérer des centaines et des centaines et des milliers de followers. Donc quelqu'un avait testé effectivement, s'était dit c'est pas possible qu'il ait autant de personnes, avait testé le système et avait monté un robot qui faisait exactement la même chose et ça marche très bien. Mmh. C'est simple, hein, c'est pas. Mais est-ce que comme c'est quoi, il ça... y a de la magouille sur Twitter. Est-ce que ouais. Ça veut dire pour autant que c'est pour ça que tu as de l'influence? Si tu veux, c'est pas évident. Il y a eu plein d'articles là-dessus, on va pas rentrer dans les détails. Non, c'est autre chose. Voilà. Mais ça explique peut-être pourquoi est-ce que je me suis arrêté à 117 followers. Oh, en une semaine, c'est pas mal, hein. Franchement. Bravo. Mais, peut-être est-ce parce que je ne suivais que 15, je crois que je suis 15 personnes. Dont, bien sûr, mon ami Marc Dorcel, Hugues Effner et autres consorts. J'ai Slash qui m'a écrit quand même aussi. Ah, il est sympa Slash. Ouais, Slash sympa. Juste un petit message pour dire j'ai une liste, le Captain a fait une liste qui s'appelle Pornstar avec toutes les stars du X qui sont sur Twitter. Ah. Donc malheureusement, je n'ai que des stars américaines. Si vous avez des stars françaises du X, même des actrices tout court hein, de X, Katsuni. Vous nous envoyez. Est-ce qu'elles tweetent aussi les actrices françaises? Oh, je suis sûr qu'il y en a, mais j'en ai pas trouvé. Je suis sûr qu'il y en a. Bon, faut les connaître toutes. Voilà, aussi. Donc message personnel, vous savez, vous connaissez mon compte Twitter. D'accord, ok. Ça sera pour toi, Captain. Donc voilà, testons. Parce que je me suis dit, testons la force de Twitter. J'ai donc tweeté pas mal, 190 messages. J'ai repéré, je les ai pas comptés exactement, mais j'ai repéré quand même que mes tweets avaient quelquefois un peu d'intérêt parce que j'ai été retweeté. Alors, le principe du retweet, peut-être que le capitaine est mieux placé que moi pour expliquer un peu. Eh ben, c'est simple, j'ai un ami, enfin quelqu'un que je suis qui fait un message intéressant, je vais le retweeter. Donc, bon, ça se fait automatiquement, mais en gros, si je devais le faire à la main, j'écris RT, suivi du pseudonyme de la personne que je retweete, suivi de son message original. Et voilà, et je retweet à mon propre cercle de followers. Voilà, l'intérêt, c'est que, voilà. Eh ben, c'est une espèce de marche en toile d'araignée, c'est-à-dire que moi qui n'ai que 117 followers, si Captain Web me retweet, il y a ses 1500 followers qui lisent mon message et qui ont mon petit nom qui s'affiche. Ça tweet à donf, quoi. C'est du ça tweeting. Tweet pas mal. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Twitter? C'est aussi la deuxième question que je me suis posée. Parce que pour moi, Twitter, c'était Robert arrive au bureau, il dit salut, j'arrive au bureau, hop, tiens, je vais pisser, hop, je vais faire une petite pause café. C'est, quand même, c'est quand même à peu près ça. Oh, attends, n'exagérons pas. Ça dépend de qui tu suis. Bon, j'ai pas suivi trop de personnes, mais c'est quand même pas mal ça. Si tu suis Marc Dorcel, c'est sûr que. Bon. Alors, Marc Dorcel, lui, tweet, défoncer le cul, tweet uniquement. Non, c'est très sympa son tweet, Marc Dorcel, je le conseille. Il tweet uniquement des infos, bien sûr, classé un peu X, n'est-ce pas? Ah bon. Et non, des infos sur notamment ses collègues, ils ont tweeté des infos sur Playboy et autres. Mais le vrai tweetos, celui qui tweet beaucoup, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de messages par jour, sur la vingtaine de messages, il y en a quand même une quinzaine qui sont pipi caca. Hein, ah quand même Captain. Quoi, c'est assez basique quoi. C'est assez basique. C'est un peu ras la moquette quoi. Il y a c'est pareil. Bon certes, cet après-midi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a tweeté « Je vais faire caca ». Combien de personnes vont retweeter ça? Il y en a bien une centaine. Ça, c'est Quacos qui l'a fait ça? Non, ah bon, parce que je ne fais pas caca. Ah oui, c'est vrai. Un grand merci à Bricou qui vient de me filer le Twitter de Katsuni. Continuez comme ça les amis. Ah, Katsuni cool. Katsuni aussi. Katsuni. Oh oui. Je vais gangbang moi la face, Twitos. Le vrai intérêt que j'ai trouvé à Twitter, c'est qu'on peut faire des recherches sur des mots-clés. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des recherches sur des mots-clés type insolite, trucs comme ça. Et à chaque fois, donc, quelqu'un poste sur son Twitter le mot-clé de ma recherche, eh ben, je vois son message. Ah bon ? Et le lien qui va avec, s'il y a un lien, en effet. Donc, au niveau news, au niveau information, au niveau tout ça, c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez intéressant, parce que c'est très rapide. Il faut savoir que quand tu fais une recherche sur un mot comme ça, en général, tu as à peu près 15 fois le même message en 2 minutes. Quoi. Voilà, donc le... maintenant c'est Quacos qui a été atteint de Twitterage. Je ne sais pas si est-ce, je est-ce que tu vas continuer. Voilà, c'est ça la grande question. C'est la grande question. Est-ce que je vais continuer? Tu vas te laisser tenter, j'en suis sûr. Je tu vas voir, ça va devenir... 117 followers, c'est pas terrible. Quoi. Ça va devenir une drogue. Non, t'es plus que ça maintenant. Ah. Tu veux savoir combien tu es? Vas-y. Je suis pas dessus, donc je vais te dire. Moi, tu vas me le dire encore. C'est sympa. Mais donc, par rapport, enfin pour moi, par rapport à Facebook et MySpace et toutes ces autres conneries de réseaux sociaux là, complètement débiles, qui ne sont que une fenêtre ouverte sur le voyeurisme et l'exhibitionnisme, Twitter a quand même, je dois l'admettre, un intérêt assez particulier. Par contre, je pense que l'intérêt est plus vraiment dans l'information et la diffusion de l'information que dans... le côté réseau social. Non mais de toute façon Twitter on peut en faire ce qu'on veut, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Il y a plein de façons de l'utiliser et au final la façon dont tu vas l'utiliser va te donner une utilisation particulière qui est pas la même que celle de ton voisin. Oui, voilà. Mais bon, il y a quand même un petit côté voyeurisme parce que je ne sais pas qui est actuellement le tweetos le plus followé. Est-ce que c'est encore Ashton Kutcher? Enfin, lui, ouais, j'étais voir justement son truc. Il est à 3 900 000, enfin quasiment 4 millions de followers. Ouais. Quand il file des liens qui sont pas forcément toujours intéressants, je vois pas trop l'intérêt pour les 4 millions de personnes de lire ça. Non, mais bon. Sur les 4 millions de personnes, il y en a peut-être 2 millions qui étaient la moitié qui utilisent Twitter et encore. Les autres, c'est des comptes qui ont été créés une fois et qui sont pas. Juste pour battre leur corps avec CNN. Voilà. Exactement. Alors, toi, Captain Web, qu'est-ce que tu fais sur Twitter? Écoute, moi, je fais ma veille sur Twitter. À savoir que quand j'utilise Twitter, enfin, quand j'utilise, je prends NetVibes. NetVibes, j'ai tous mes flux dessus. De NetVibes, j'envoie vers Twitter et à la fin, je trie tout ce que j'ai balancé sur mon compte Twitter et je fais ma veille avec, que ce soit pour le podcast, pour les actus ou pour le site, pour les revues de web que je fais pas des masses en ce moment, je dois bien l'admettre, quoi. Mais voilà. Donc moi, voilà. C'est moi. Et après, évidemment, j'ai plein de personnes avec qui je discute dessus. C'est vrai. Donc, je fais aussi un autre essai avec une nana sur Twitter qui est peut-être aussi assez intéressant. C'est, on l'a utilisé un petit peu comme j'utilise certains forums d'entraide, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait un problème sur un programme. J'ai eu un tweet, il y a quelqu'un que je suivais qui a retweeté son message d'appel à l'aide. C'est pas là où t'as fait la recherche sur pute Non. À l'heure. Non, elle a un problème sur les Google Docs, si tu veux. Et donc, en quelques minutes, on a pu vraiment s'entraider. Enfin, j'ai pu l'aider plutôt. Et voir où était son problème, quoi. Je pense que ça peut être aussi un intérêt assez sympa, c'est-à-dire transformer le Twitter en forum. Lord, oui, Lord. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut catcher de l'ananas sur Twitter? Ah, mais oui, bonne question, Lord Tompère. Je pense qu'on peut choper grave. Alors, sur je pense que ça se chope sur Twitter, en effet. Ouais, ouais. Ah bon? Il y a eu des histoires, hein. Enfin on va pas rentrer dans les textes parce que sinon on en finit pas, mais il y a eu des histoires de cul sur Twitter, il y en a encore. On m'a dit que Katsuni... Mais en 140 caractères uniquement. Voilà. On m'a dit que ça suffit, hein. Tu me plais, t'as de beaux yeux. Oh, tu veux baiser soi. C'est en 140 caractères, tu peux dire plein de choses. C'est vrai, c'est vrai. Des fois on se trouve un petit peu limité par les 140 caractères, mais de manière générale, t'apprends au fur et à mesure à utiliser Twitter et à te limiter à 140 caractères. Enfin, heureusement qu'il y a les tiny URL quand même. Parce que... Ah oui, bah ça, oui, c'est un peu indispensable. Sinon, c'est un peu la merde. Donc voilà, un petit peu. Pof me dit qu'il a connu son ex sur Twitter, sur le chat. Ah bah voilà, comme quoi. Donc si c'est une ex, c'est que c'était quand même pas... Et on me parle de l'histoire de Marion. Et, bah, 140 caractères. Hein. 140 caractères. Mais l'histoire de Marion, on en reparlera une autre fois, parce que effectivement, Xark a raison, c'était un gros truc, mais bon, c'est, on en finit pas, quoi. On passe la soirée dessus. Ah, d'accord. Truc de ouf. Truc de ouf. Juste un truc, oui, on m'en parle. Il faut savoir que Quacos, si tu veux, et ça c'est quand même exceptionnel, quoi. Donc quand il était en train de faire son chantage pour le live, où on était tous en train de dire suivez Quacos, etc. Il a été en Follow Friday, donc le Follow Friday c'est tous les vendredis, on va conseiller des, follow, des personnes à suivre, par TF1. Ah bon? Et là franchement c'est le choc, quoi. Personne n'a compris, hein. Non, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que c'est quoi le Follow Friday exactement? Alors le Follow c'est Friday, c'est qu'est-ce qu'a fait TF1? Ah, attends, le Follow Friday c'est une tradition qui veut que tous les vendredis on va conseiller à ses followers de suivre quelqu'un. D'accord. Voilà. De dire voilà, cette personne-là elle est intéressante pour telle ou telle raison, mm-hmm. suivez-la, c'est mon conseil du vendredi, c'est le Follow Friday. Et donc là, la personne qui gère le compte TF1, si tu veux, ce qui est quand même incroyable, a conseillé, a conseillé de suivre Quacos. Et là, on est tous restés sur le cul, quoi. C'est normal, mais ça ne m'a apporté que 117 followers au final, quoi. Comme quoi, tu voilà, Quacos a des relations haut placées, n'est-ce pas? Mais oui. J'ai bien les sûr. Petites mains de TF1. Bien sûr. Hugues Hefner était prêt à me le faire, mais il fait pas de Follow Friday. Maintenant, il m'a dit. J'aurais fait un Follow Friday, t'aurais c'est été dedans. Follow Sunday. Donc, Sunday Blanc. Donc voilà, tout ça pour conclure que, en effet, Twitter, pour moi, a un intérêt, certes, en tant que réseau social, mais ça mais, reste quand même. Je te donne 3 semaines. Essaye de l'utiliser pendant 3 semaines, tu pourras plus t'en passer. Surtout avec TweetDeck, parce que bon. Alors, mais, alors là, je là. Pense en effet qu'il peut y avoir un côté addict. Sur du Twitter. Je le confirme. Faut le couper. Quand tu veux bosser, faut couper Twitter parce que sinon c'est foutu, quoi. Toutes les 5 secondes, t'es en train de vérifier s'il y a un nouveau message. Ah, je comprends mieux maintenant, Captain Web. Oui, bon, on arrête de se plaindre un peu. Voilà. Le problème, c'est qu'au niveau travail, est-ce que c'est top? Enfin bon. D'ailleurs, est-ce que le Captain, tu es peut-être au courant, est-ce que toutes les entreprises, la plupart des entreprises maintenant, bloquent les accès à MySpace et à tout ce qui est Facebook et tout ça. Est-ce que Twitter est. Ça dépend de la paranoïa de l'administrateur réseau. Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça va commencer à venir. Mais en France, c'est peut-être pas assez connu encore. Ouais, mais ça va venir. Hein. Là, ça y est, ils sont en train de balancer la traduction française, donc ça va. Ah, tu l'as fini d'ailleurs, la traduction, ça y est. Non, moi, je me suis arrêté. J'ai atteint le niveau 9 et puis après, j'ai arrêté là parce que j'avais autre chose à faire. D'accord. Enfin voilà. Donc conclusion Twitter. Donc c'est bien, c'est mal. Si je devais le noter, je donnerais une note quand même de 8 sur 10. Ah, c'est, tu vois, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Non, honnêtement, il y a un intérêt. Ah, essaye de continuer à utiliser pendant 2 semaines et t'es foutu. Tu veux savoir combien t'as de followers là en ce moment? Vas-y, alors, balance. Alors, attends, je fais un petit refresh de la page. Ouais, vas-y. Tu as 128 followers. Ah, plus que 7 et vous avez le podcast demain. Ouais, d'ailleurs là, Lord Tompeur est en train de consulter un site très intéressant, n'est-ce pas? Où ce sont toutes les porn stars, n'est-ce pas, qui sont sur Twitter. Non, mais tu vas sur twitter.com/captainweb et là tu cliques sur liste. Mais là, il y en a 44. Voilà. Sur ma liste à moi? Non, sur celle qui nous a été envoyée sur la liste. Ça s'appelle Coed Magazine, donc C-O-E-D magazine.com. What the fuck? Quelqu'un a plus de. Eh oui. C'est pas possible. Et surtout, point positif, il y a des photos. Voilà, il y a 44. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur Twitter, j'avais filé un lien au Captain qui pouvait être sympa pour certains afters, si on fait des afters. C'était le site celebritytweet.com. Oui, exact. Où tu as tous les derniers messages des célébrités qui tweetent. Il était pas mal ce site-là. C'est assez intéressant. On pourrait savoir justement. Et c'est là que tu sais. Alors, quelles sont les célébrités qui tweetent le plus? Écoute, c'était Tila Tequila. Oula. Qui, après recherche, est une nana, une héroïne, si on peut dire, de Real TV américaine. Dont le principe était. Donc, tu avais cette nana Tila Tequila qu'on devait draguer, mais. Étant bisexuelle, il y avait un groupe d'hommes et un groupe de femmes qui devaient la draguer. Et le but du jeu était de savoir si à la fin elle allait sortir avec une femme ou un homme. Ça a juste terminé en partout tout ça. Je pense, j'ai vu quelques extraits, c'était assez hot quand même. Elle a fini par sortir avec un poney, on m'a dit. C'est possible. Voilà, c'est la fin du quoi qu'on teste et des tweets. Et maintenant, c'est l'heure du WhatsApp. Ouf. What the fuck? Hey, what's up? J'ai plein de petits what's up. Alors oui, d'ailleurs, on va faire un petit enchaînement assez sympathique. Oui. Le problème de Twitter aussi, c'est que j'ai tellement tweeté d'infos que, pour le mot what's up, j'en avais un petit peu moins. Ah bon? Mais je me suis réservé quand même quelques exclus pour le what's up et pour le podcast. Les voici. En même temps, t'aurais pu les rebalancer. Chorale de zombies. Oui, Lord ton père, je sais pas si tu étais là la dernière fois, mais maintenant je donne des titres à mes what's up. Il était là, oui. Chorale de zombies. Pourquoi? Parce qu'il y a une société que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Zenf Studio, qui lance un logiciel capable de, d'extraire un algorithme à partir d'une bande sonore pour calculer entre guillemets l'ADN des musiciens et pouvoir les cloner. Hein. Je m'explique. Oula, ça a Miles Davis est mort. Ouais. Mais grâce à ce logiciel, on pourra reproduire le jeu de Miles Davis. D'autres musiques. Attends. Quel est l'intérêt? L'intérêt officiel, je vous le dis, hein, c'est ce qui est donné par l'entreprise, c'est de pouvoir reproposer aux auditeurs des enregistrements de meilleure qualité sonore. C'est-à-dire, on fait rejouer quelqu'un de mort comme Miles Davis ou comme Elvis Presley avec des sons qui sont actuels, mais avec le jeu de l'époque. Attends, je capte pas. La question que veut poser Captain, à mon avis, c'est qu'est-ce que tu entends par le jeu de l'époque? Le jeu de l'époque, le jeu de l'artiste de l'époque. Tu prends un mec comme Jimi Hendrix par exemple, il n'y en a pas beaucoup, enfin les vrais connaisseurs de Jimi Hendrix pourront te dire si c'est une reprise ou si c'est vraiment lui qui a joué. Ah ok, d'accord. Il y a un jeu qui est très spécifique à certains musiciens, des grands Miles Davis, Coltrane, Hendrix, tous ces mecs là. Donc c'est une vraie simulation de personnage. C'est une vraie simulation qui repermettra donc un enregistrement pas remasterisé mais refait, recréé avec des sons actuels. C'est intéressant ça. Ça peut être intéressant. Maintenant, c'est pas encore actuellement fait. Enfin, ça c'est actuellement fait, mais ce qui n'est pas actuellement fait, c'est de pouvoir reproduire le son de la voix. Ah bah oui. Ce qui devient un petit peu plus technique. C'est-à-dire, je m'explique, si je veux faire chanter par exemple Rape Me à John Lennon, ça pourrait être possible. Ah bon? Eh oui. C'est qu'en fait, ils ont un module, enfin on va dire, ils ont une sorte de. Ils ont un algorithme qui est calculé par rapport à des dizaines et dizaines de chansons qui ont été chantées par l'artiste, ouais. Qui permet de reproduire son timbre de voix. Ses intonations, son accent et tout ça. D'accord. Et après, il s'adapte en fonction, toi, de la voix que tu plaques d'en dessous, quoi. Exactement. D'accord. Ah oui, donc, ça peut être intéressant. Truc, je pense d'ailleurs que ça va être utilisé, à mon avis, bientôt. Parce que, étant donné que Michael Jackson est mort et qu'il y ait des batailles de sous-sous avec ça, ça m'étonnerait pas qu'on lui fasse chanter des tas de saloperies. Ouais, mais il a eu plein de gosses et ils vont tous aller chanter. Le père va les envoyer, le grand-père va les envoyer. Ce que tu es en train de nous dire, Coco, c'est par exemple, demain, on va avoir un nouvel album de Bob Marley, par exemple. On pourra avoir un nouvel album de Bob Marley grâce à cette boîte. Ou Jim Morrison. J'attends d'entendre le bordel, quoi. Franchement, j'ai peur. J'attends aussi. Alors, il paraît en tout cas qu'au niveau instrumental, ceux qui ont écouté, il paraît que la reproduction est vraiment très, très bonne. Mais maintenant, ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que même les artistes qui sont encore vivants pourraient faire des albums sans rien avoir à foutre. Julia est morte d'une embolie. Est-ce que ça vaut le coup financièrement? Je sais pas. À mon avis, le bordel à faire tourner, il te loue pas ça à $1000 à la séance. Quoi. Ouais, actuellement c'est cher. Dans 25 ans. Ah, mais à voir, de toute façon, à suivre. Mais c'était un petit was-off. Intéressant. Tapage nocturne. Je ne demanderai pas alors de ton père ce qu'est le tapage nocturne. Non. Dans le droit civil. Je sais pas, mais je veux dire, j'ai des putains de voisins casse-couilles. Si vous entendez les mecs, faut arrêter, quoi. Et justement, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, tu n'as pas ces voisins-là, mais ça aurait pu être le cas. C'est l'histoire de monsieur et madame Cartwright. Oh. Qui ont été, bien sûr, assignés au tribunal par leurs voisins parce qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup trop de bruit pendant leur ébat sexuel. Harry! Ah, écoute, I've got your finger in your arse. Alors, il faut quand même savoir que. Merci Harry. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que les voisins qui ont porté plainte, il y a aussi les passants de la rue. C'est ça qui devient assez intéressant. Les passants, quoi. Et il y a. N'importe quoi. Alors, je ne sais pas si les huissiers de justice existent en Grande-Bretagne, mais en tout cas, il y a un notable qui est venu mesurer la quantité sonore, le volume sonore des ébats. Et il faut savoir qu'à deux étages en dessous, on était à 47 décibels. Ce qui correspond à peu près au bruit d'un aspirateur. Bah attends, putain, mais elle devait gueuler comme. Et lui aussi comme une brute. Comme un bœuf, quoi. I'm gonna break your arse, you bloody cunt. A priori, elle gueulait comme un bœuf, en effet, parce que le juge et les deux magistrats ont dû écouter 10 minutes de la bande sonore. Qu'elle me sent condamné à mort. Et on me précise même qu'ils se sont repassés la bande deux fois. Ça, c'est possible. En tout cas, les voisins du couple racontent que les ébats débutent aux alentours de minuit pour se prolonger jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Putain, mais attends, c'est Rocco, quoi. Monsieur Cartwright n'est pas un petit joueur quand même. C'est plutôt un poney kazakh. Attends. C'est pas la maison de vacances de Marc Dorcel. I've got a big cock. Ils habitent à côté du manoir de Geffner. Et il précise donc que les cris de plaisir poussés par madame. Oh my god, holy shit! Sont décrits comme alarmants, douloureux et hystériques. Ah non, Anna, j'ouvre les guillemets, on a l'impression qu'on est en train de la tuer. Peut-être que la personne de sexe masculin qui s'occupe de cette dame est extrêmement bien membrée, quoi. C'est une possibilité. Ah, hein. Peut-être. En tout cas, la principale intéressée, je t'ai quand même précisé, yes. Se défend en invoquant le droit au respect à la vie privée et familiale. Défini par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme. Elle déclare également ne pas pouvoir s'empêcher de crier et a fait appel à un sexologue pour confirmer ses dires. Break my tits, you ugly cunt. Attends, je veux juste savoir, le sexologue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans la chambre à côté avec un calepin, puis il a noté quoi, avec un petit truc pour mesurer le nombre de décibels, quoi. Je confirme que madame il a pris, ne peut pas s'empêcher de gueuler comme une truie à chaque rapport sexuel. Elle m'a pété les tympans. Je demande une contre-expertise. Merci Scotland Yard. Il me semble que le procès est en appel. Il y aura peut-être une suite dans un prochain WhatsApp. Vache. La secrétaire qui valait 1 milliard. Ouh. Ça, les twittos l'ont lu cette information parce qu'elle a quand même pas mal circulé sur Twitter. Je l'ai vu. Ça se passe chez Pepsi Cola. Ouais. Parce que chez Pepsi Cola, ils ont des secrétaires, bien sûr. Et comme toutes les secrétaires, il y a des moments où tu as des petites absences. Oh, c'est pas bien aujourd'hui. J'ai perdu un papier. Voilà. Et la petite absence de cette secrétaire a quand même coûté assez bonbon. Parce qu'elle a oublié de transmettre au patron un courrier. Un courrier pour une convocation à un procès, n'est-ce pas? Ah merde. Et le tribunal, n'ayant pas apprécié le fait que l'accusé n'était pas présent au procès, a quand même condamné donc Pepsi Cola à payer 1,26 milliard de dollars. Ils ont fait appel. Bien sûr, ils ont fait appel, parce que ça représente quand même 840 millions d'euros de dommages et intérêts. Et le petit truc quand même intéressant à noter, c'est que le Pepsi Cola n'est quand même pas salopard, parce que il n'en tient pas compte du tout à la secrétaire et a considéré qu'une erreur était une négligence excusable. En même temps, 1 milliard, qu'est-ce que c'est pour Pepsi? Qu'est-ce que c'est? Mais peut-être que si confirmation après appel, encore 1 milliard, peut-être la secrétaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Pepsi a disparu en France, quoi. Avant, ils étaient au moins dans les Quick. Maintenant, tu les vois même plus. Ah si, par exemple, quand tu vas au KFC, c'est du Pepsi. Je sais pas, je vais jamais au KFC. Bah, c'est du Pepsi, mon ami. Il y en a quand même pas mal à. Captain a raison, parce que même franchement, dans le supermarché du coin, il y a plus de Pepsi. Ouais, non, on voit plus que du Coca, moi, Pepsi. Pizza Hut, c'est Pepsi bien. Aussi, hein. Coca Power. Ah, je sais pas, Domino, c'est Coca. Hein. Mais c'est vrai que les grosses. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un débat de fond, là. Faut pas rigoler, c'est un putain de débat de fond. Dans 3 semaines, je ferai une revue spéciale Que boit-on chez les marchands de pizza. Ah, écoute. Mais je peux te le dire, Domino c'est dis, Coca. Coca Power. Parce que tout simplement, Pepsi est à Coca ce que l'Austin Mini est à la Porsche. Oh là là. Ouh. Oh, Quaco sort les grands mots là. Quaco c'est un spécialiste, n'oublions pas 3 litres de Coca par jour. Exactement. Faites la vaisselle, pas la guerre. Non, ouais. Eh oui. Eh oui. Au New Jersey, Constance Gadger, qui est une chercheuse de l'université de Montclair dans le New Jersey, donc, révèle, après une étude très approfondie, que les couples dont les deux personnes participent souvent aux tâches de ménage font beaucoup plus l'amour. Ah bon? Eh oui. Ah oui, mais moi ton balai dans le cul. Ah bah je t'en prie, là, ton père. C'est pas précisé s'ils utilisent comme ustensile tout ce qui est balai et autres. Non. Enfin, toujours est-il que si tu fais le ménage, si tu fais le repas, si tu fais la vaisselle, leur passage, un petit peu de lessive, eh ben t'en auras ton petit coup un petit peu plus souvent. C'est quand même sympa. Bah oui. C'est marrant, mais j'ai pas le droit à ça. Je fais juste une petite parenthèse pour évoquer rien, ici notre maître à penser à tous, sauf au capitaine Éric Zemmour. Ah, je vais vomir. Ça rejoint quand même sa théorie sur la féminisation de l'homme. Mais bon. Oh putain. Ça y est, ça va déraper. On peut passer, s'il vous plaît. Non, parce que je vais quand même finir avec des chiffres. Tiens, juste à le dire, ce mec a quand même proposé d'inviter Éric Zemmour à un podcast, quoi. Non. Je n'ai pas de réponse encore, mais bon. J'espère, quoi. Le débat peut être assez. Là, tu vas trouver un autre mec pour me remplacer, je te le dis. Finissons avec des chiffres. Donc, un homme qui fait donc la vaisselle, enfin qui partage les tâches ménagères, ouais, fait 1,6 fois l'amour en plus qu'un homme qui ne fait rien à la maison. Donc, Tony Danza baisse beaucoup. Sachant que sur l'étude menée, l'homme. Quand la femme accomplissait 16 heures de travaux ménagers, l'homme n'en faisait que 2. Donc peut-être est-ce que ça vaut un petit peu le coup, quoi. Ah, ça vaut le coup. J'ai une explication. Je pense avoir une explication scientifique. Oui, Eric. Lord. Parce que si la femme fait trop de tâches ménagères, elle est fatiguée. Voilà. Alors que si l'homme fait des tâches ménagères qui, lui, est infatigable, Il n'y a pas de problème. Ça écoute, on pourrait peut-être demander à Quacos parce qu'il m'a dit que sa femme ne faisait jamais les tâches ménagères. Ouh là là, tu vas tirer des ennemis là. Attention. Attention. Ne mêlons pas la vie privée à cette histoire. Ouais, hein. Mais moi je baisse souvent. C'était encore de bon goût tout ça, merci. Gagner du blé avec un prospectus. Ça se passe en France cette fois-ci à Épernay. Un homme, je n'ai pas le nom, mais âgé de 84 ans. Recevait, comme on l'a peut-être déjà eu nous, dans sa boîte aux lettres, plein de prospectus qui lui promettaient d'avoir gagné des chèques et des trucs et tout ça. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre qui dit « Il n'y a plus qu'à nous renvoyer le petit coupon et vous avez gagné 10 000 euros. » Ah bon ? Eh oui, sauf que bien sûr, il a envoyé le petit coupon et ben, il se l'est mis entre les jambes. Comme c'est bizarre. Rien n'est arrivé. Tu peux plus faire confiance dans les prospectus. Sauf que, oui. Il allait plus loin, il était un petit peu excédé et sur ce, il a porté plainte. Bonne nuit, Omerta. Et il demande des frais de 10 000 euros. Quoi. À gagner 10 000 euros. Je pense qu'il devrait demander 1 euro par kilo de prospectus qu'on lui a envoyé dans sa vie. Quoi. C'est pas des couilles. Ouais. Hein. Non, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est une affaire à suivre. Parce que si ça marche, ce truc-là, il y aura. Comme il y a actuellement pas mal de gens qui gagnent des sous en jouant à tout ce qui est internet. T'as jamais vu des reportages comme ça ? Non. Les mecs ils passent leur vie à découper les petits coupons sur les trucs Coca sur l'écran. Moi j'ai vu quelqu'un qui découpait au ciseau une paire d'écrans pour avoir le coupon de réduction, ça fait mal. Et ils gagnent leur vie comme ça, donc peut-être que ça peut être une nouvelle source de rente. Oui. Moi il me semble qu'il y a dans des affaires similaires des gens qui ont gagné contre ce genre de. En France ? Ouais, tout à fait. Donc il y a déjà des gens qui ont reçu ce type de truc, vous avez gagné tant. Ils ont assigné en justice pour obtenir le paiement, ils ont réussi à obtenir. Ah putain, la vache, la chance. C'était une première, mais a priori non. Je crois qu'il y a des précédents. Eh ben, ça serait très bien alors. À vérifier. Et voilà, ça c'est une nouvelle, une news qui va plaire au Captain Web. Je l'ai appelé. C'est le roi du web. Le kebab moscovite, il sent pas la frite. Ah, attends, c'est quoi ça le kebab moscovite exactement, Cocos? Alors, c'est une histoire qui se passe pas à Moscou, mais presque à Perm, pardon, en Russie. C'est là que cette affaire aurait eu lieu. Ah. Un magasin spécialisé dans la vente de kebab aurait servi de la viande humaine. Non, my God. C'est possible. Moi, j'avais entendu la même histoire à Hong Kong. Attention, parce que c'est pas vendu n'importe comment. Elle aurait été vendue par 3 SDF. Ah. N'est-ce pas ? Attends, explique-moi. Donc, tu m'expliques qu'il y a 3 SDF qui vendent des kebabs qui sont en fait de la viande humaine, quoi. 3, exactement. C'est grotesque. A priori, ils... Donc les 3 SDF auraient tué une victime, n'est-ce pas? Ah bah ça, qui les aurait dépecés avec comme couteau et marteau. Il y a pas de faucille, mais bon, on n'est pas loin. Mais quel rapport avec le kebab? Poussés par la faim, ils auraient mangé un petit peu de ce reste humain et ils auraient vendu le reste au kebab du coin. Qui c'est qui voit 3 SDF se pointer avec du kebab et qui l'achète, quoi? Une question quoi cause là, genre, comme j'aimerais savoir tes sources. Il avait tout enroulé et je pense que ça doit pas être belle à voir. Parce que où est-ce que t'as trouvé cette information complètement? Le nouveau détective. Ils ont un site web? Non du tout. Mais tapez kebab et perm et vous allez tout de suite trouver ça, quoi. Kebab quoi? Kebab. Tu tapes sur Google, je pense, kebab plus perm et perm PERM, ce qui est le nom de la ville. Et tu vas trouver cette info. Il me semble que tu as trouvé ça sur kebab. Alors il faut quand même savoir que l'enquête a débuté. Oh, je tiens à dire, je viens de le faire. Le premier truc que j'ai trouvé, c'est du sperme dans les kebabs. Oh mais non. Bon, ça, je jure que je m'en vais couper maintenant là. Peut-être qu'ils ont peut-être ont-ils poussé un peu plus les analyses dans le kebab. T'as raison. Après, il y a un kebab de viande humaine sur le poste.fr. Évidemment, il fallait s'en douter. Ça venait d'une source très fiable. Voilà. Ça pouvait être que le poste. Hein. Ah, mais il y en a plusieurs qui en parlent. Pas trop. Comment faire rubrique santé sainte amour. Non, mais j'ai pensé bon, à ça car il y a une affaire qui a éclaté. Un Turc mettait du sperme dans la sauce blanche. Non, bon, non, merci de ton père. Attends. Alors il faut. Revenons-en au cannibale. Il faut quand même savoir que ce qui a attiré les soupçons sur ces 3 SDF, c'est que on a retrouvé donc près de l'arrêt d'autobus où ils squattaient le soir, plein de petits restes humains. C'est comme ça que l'enquête a débuté. Dans les papiers de kebab, et c'est clair que là tout de suite on se doute de quelque chose. Il y a un morceau de couille, je sais quoi. Exactement, enfin bon. Allez, dernier Wars Off. Je crois qu'on aura du mal à tomber plus bas, quoi. La Kadhafi party. Autant pour moi, je mets des trompes. C'est toujours possible. Avec le Captain Web, on racle le fond. On creuse encore. C'est la news du jour quand même, ça vous l'avez peut-être tous entendu. Mais ça creuse, ça creuse. L'histoire du colonel Kadhafi qui a quand même payé 200 jeunes italiennes, c'était hier ou avant-hier soir, n'est-ce pas, en leur proposant 50 à 60 euros. L'annonce disait à peu près « Cherchons 500 filles attrayantes âgées de 18 à 35 ans et mesurant au moins 1m70, bien habillées, mais pas en mini-jupe ou en robe courte. » Et alors, il y a une journaliste qui s'est incrustée là-dedans et qui, après, a raconté comment s'était déroulée cette soirée. Parce que, en fait, ce n'était pas une soirée comme toutes ces jeunes filles pensaient, une soirée genre « Mega tough party, David Guetta is in the house ». Ah ouais. C'est pas ça du tout. C'était quoi alors? Il a prodigué un cours sur l'islam. Il a offert des Corans à la fin. Il a même proposé une conversion à l'islam. Si tu peux même plus avoir confiance dans les dictateurs, quoi. Franchement, où va-t-on? Où va le monde, monsieur? N'importe quoi. Mais ça méritait bien un petit was off. C'est vrai. Pour conclure. Donc voilà, je vais passer tout de suite la parole à Manox et à son invité. Pour les mystères de l'étrange. Ouais, les mystères. Les mystères de l'étrange. Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarroïdesque. Ça, c'est bizarre. Bon, alors, je sens que la soirée est bien partie pour terminer en beauté, là. Hein, ah, écoute, si le disque dur se suicide pas avant, quoi. Mais... Bon, moi, je vais laisser la parole à François Déric, hein. François Déric, tu nous le présentes avant de Où est-ce que tu l'as trouvé? Bah, je l'ai trouvé, là. Je l'ai trouvé, Gare de l'Est, bien sûr. Mais il venait pas exactement de là, puisqu'il venait de l'Est, oui, hein. Il vit à Rastbourg. Alors je vais le laisser parler, ça va être plus simple, ça va être plus rapide. D'accord. Comment il s'appelle déjà, tu m'as dit? Appelez-le Derrick, c'est bien quoi. Derrick. Voilà. Un rapport avec l'inspecteur? Non, je ne sais pas. Ah, on lui demandera alors. Ah, le voilà. Oula. Oula, il est vide. Oula. Voilà. Bonjour monsieur Derrick. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'apéro. Donc félicitations, vous êtes notre 12e invité. Ah, je suis le 12e invité de la période. C'est fantastique. Il faut parler en face du micro, monsieur Derrick. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Voilà. Vous avez un petit accent que, il me semble venir du Nord, non? Bah, effectivement, je ne viens pas exactement du Nord, je viens plutôt de l'Est, hein, puisque je suis franco-belge, je m'appelle François Derrick. C'est du Nord-Est, donc. Voilà, Nord-Est, c'est le Nord-Est de toujours de quelque part. Ok, et donc vous êtes venu rigoler à cause de mon accent. Personnellement, ce n'est pas très drôle. Non, du tout. Je vais remercier. Donc, notre camarade Manox nous a dit qu'il vous était arrivé une histoire terrible en rapport avec l'actualité du jour, justement. Et... Ah, oui, alors voilà, comme mon concitoyen français, d'ailleurs, je suis même français, hein, puisque j'habite là-bas en pleine superficie territoriale. Oui, j'habite à Rastbourg, n'est-ce pas? C'est une ville, ma ville natale de 55 habitants. Hein. 55? Oui. D'accord. Et vous êtes marié? Vous avez de la famille? Alors, actuellement, je suis, célibataire. Hein, profession, j'étais auparavant ancien marchand de saucisses. D'accord. Jusqu'à mon terrible accident involontaire. Hein, c'est bon. Un accident? Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Bien, j'ai pris ma main par une saucisse suite à une tumeur. Et voilà, j'ai coupé et maintenant j'ai accroché. D'accord. Ah oui, donc ça expliquait. Il me semblait bien qu'il y avait une c'est de vos mains qui était... Pour accrocher les saucisses. Il manquait des doigts. Donc, en fait, non, c'est un crochet, ok. Voilà, actuellement je suis producteur de choux à Rastbourg, donc si vous voulez venir à Rastbourg, je suis là. Les fameux choux de Rastbourg. On me demande parmi notre live, nos interlocuteurs live, si vous êtes wallon ou flamand. Alors je ne suis ni wallon ni flamand, je suis flavlon. Ah, d'accord. D'accord. Alors, c'est okay. Une petite région, hein, nous sommes. Nous 55. Tous. Oui, voilà, nous sommes tous, nous faisons tous partie de la même famille. Hein, ça explique donc. Plusieurs générations. Ok. Ok, donc on nous a dit qu'il vous était arrivé une histoire étrange et voire bizarre. Bizarre-idéo-esque. Voilà. Alors voilà, je ne comprends pas. Hein, j'ai reçu une facture de France Télécom, n'est-ce pas? De 432 372 000. Oui. 432, alors j'ai la c'est pire, c'est 432, 372 000 euros et 2 centimes. Voilà. Mais c'est pire que le club de natation de Toulouse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Alors donc j'ai demandé, mais c'est impossible, je n'ai pas de téléphone portable, je ne téléphone pas. Je n'ai pas d'amis. J'utilise le télégraphe depuis déjà longtemps. Alors je voudrais avoir le détail et il m'a envoyé ça. Et en fait, c'était un rapport avec la connexion internet, hein. Certains sites, j'aurais donc consulté certains sites malsains ou certains sites que de poney kazakh. Voilà, alors voilà, bon, j'ai vous avez une liste? Oui, alors il vous a envoyé la facture détaillée? Absolument. Et ça faisait combien de pages? Alors bon, ça fait plusieurs pages, hein. Je ne vais pas tout lire, hein, ici, nous ne sommes pas, hein. Mais essentiellement, hein, je vais dire, alors certains, il y avait, j'ai vu là, necrophanus.com. sleepydoggysexfetus.com. Alors je ne connais pas ce site, hein. Personnellement je ne connais pas ces choses là. Me little thing in your sister cont. Babat in your ass.org. Sucking dead donkey. Walker, cocotte minute in your ass. Ugly fat smelly sluts. Alors, n'ayant pas vraiment internet, je ne connais pas ce site. Hein, j'ai donc expliqué voilà, que je n'ai jamais été allé sur handicapedmetrosexualmidgets.com. Metrosexualmidgets. Ou encore orsi transsexuellesbos.com. Ce n'est pas moi. Hein. Comment ça se fait? Vous avez téléphoné aux personnes? C'est à qui vous envoyez la facture? Bah écoutez, j'ai reçu par le courriel, pas par le courrier France Télécom, hein, cette facture. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais qu'est-ce qui. Ok, d'accord. Vous avez essayé de les appeler au téléphone? Bah écoutez, moi j'ai contacté ici leur ton père directement qui m'a dit viens ici, viens à la cave, hein, viens en France, là, viens à Paris, puis tu vas voir, il y a des gens qui vont t'aider, ils vont être très sympathiques. Sans aucun doute. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand chose. Si, appelons tout de suite France Télécom. Ouais, je fais le geste, sans aucun doute. Oui, ici France Télécom, bonjour. Alors, bonjour, hein, je m'appelle François Déric, là, actuellement, je vous appelle de Rashburg. Oh oui, François Déric, nous connaissons votre dossier, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes un peu étrange, n'est-ce pas? Enfin, très, c'est un mot, le mot est un peu fort, je trouve, mais bon... Oui, faut bon... Bon, alors voilà, j'ai quand même un problème, monsieur, c'est que vous m'avez envoyé une facture ici, actuellement, présentement, hein, de 432 372 centimes d'euros. Oui, alors, attendez, je vérifie sur mon ordinateur. Oui, je vois que votre iPhone était connecté sur l'antenne relais de l'ambassade d'Albanie, duquel vous auriez téléchargé quelques vidéos de poney transsexuels. C'est original ça, donc je comprends pas. Donc les ambassades ont des antennes relais orange maintenant? Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Albanie? Parce que personnellement j'y ai jamais foutu les pieds. Alors j'aimerais savoir comment avoir un éclaircissement vis-à-vis de cette histoire, je vous prie. Écoutez, je ne sais pas, il faudra peut-être appeler l'ambassade d'Albanie, parce que moi je ne peux pas vous répondre maintenant. Non, parce que quand même, là j'ai tout de même une facture de 432 372 000 euros, ouais, à payer. Oui, hein. Alors bien sûr, France Télécom prend soin de ses clients, bien sûr, et nous vous proposons une ristourne. Non, on va faire un geste amical clientèle, on vous envoie une corde tout de suite. Hein. Je vous remercie, j'en ai déjà plein. Hein. Toute ma famille en a, alors depuis des générations, on surfait ça. Écoutez, monsieur, à quel étage habitez-vous? Écoutez, moi j'ai encore 490 kilos de choux, je vous le donne. Et on s'arrange, hein. C'est... D'accord, oui, mais appelez tout de suite l'ambassade d'Albanie, parce que moi j'ai plus rien là. Je vous envoie la corde. Ah bah non, mais c'est bon, c'est pas la peine, et raccrochons, hein, parce que bon. Clac. C'est bon bruit. Je sais. Ouais. Donc, c'est incroyable cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un iPhone? Alors, écoutez, j'avais par avortement un iPhone, n'est-ce pas, que j'avais laissé à mon grand papy. Oui. Oui. Mais il travaille à l'ambassade d'Albanie, peut-être, grand papy, non? Ah non, il avait été enterré en Albanie. Ah, il est mort. Ah, il a été enterré en Albanie. On tient peut-être quelque chose. On tient quelque chose, en effet. Alors, attendez, je ne comprends pas. Il est enterré avec son iPhone, je dirais, 90 pièces au terre, et vous me dites tout de suite que... Bah, il y a un terrain d'Albanie. Redites-moi un peu les sites qui ont été consultés, là, les premiers. Écoutez, alors, je vous dis le premier, hein, poneyamorphexxx.com, ou encore sleepydoggysexfetus.com. Et il n'y avait pas un truc avec des dead fœtus, truc, machin? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait babatinyourass.org. Est-ce qu'il y a albanianponaise.com? Ah oui, effectivement. Ah, on s'en rapproche. Alors, ça se pourrait-il que le grand-père... Je propose d'appeler l'iPhone. Ben oui. Oui, appelons l'iPhone tout de suite. Est-ce qu'on peut appeler l'iPhone? C'est pas possible, il peut plus avoir de batterie. Mais c'est impossible depuis le temps, c'est tout à fait surnaturel. Appelons quand même. Allô. Oui, allô, ici, sans aucun apéro. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Bon, c'est moi, c'est Bernard. C'est Bernard. Tu fais chier, merde. C'est papy. C'est papy Bernard. Ah, voilà. Je suis en train de me regarder, une femme de boule dégueulasse, tranquille dans mon caveau, tu m'as pas le sourire. Mais... Je suis en train de branler ma vieille queue pourrie. Écoutez, monsieur Derrick, là, je crois que pour 400 000 euros, vous avez 400 millions d'euros, vous avez retrouvé grand-papy. Grand-papy, c'est moi, écoute. Ce serait peut-être temps que tu sortes de ton caveau, là, parce que. Il y a la facture des Français, la France Télécom, il demande à payer, il faut payer. Est-ce que au grand-papy, au moins, vous a laissé un héritage sympa, quoi? Ah bah, grand-papy, c'est barré comme un connard. D'accord. Ah bah, il faudrait peut-être qu'on essaie de couper la ligne téléphonique. Grand-papy, ça vous dérange si on coupe la ligne? Parce que c'est plus possible. Moi, tu me coupes la ligne, mais moi, je te coupe la bite, c'est un enculé. Viens, ma mère, reviens en Albanie avec ma castor à sec pourri, je t'en brise la branche. Ok. En tout cas... Écoutez, je sais pas si on va pouvoir aider monsieur Derrick un peu plus que ça, mais je crois qu'on va dire au revoir au grand-père et puis on va essayer, on fera quelque chose après. Ouais. Au revoir, bande de petits merdeux. Au revoir, grand-papy. Au revoir, grand-père. Bon, donc, ce qu'on va faire, c'est. On va dire à France Télécom de couper la ligne, hein, c'est pas possible. Ouais. Le cercueil était bien scellé ou? Regardez, j'avais quand même mis. Ils ont quand même des putains de relais quand même en Albanie, je pense. Ouais, c'est pas. Clair. Il y a des relais dans les cimetières. Ils sont des relais d'enculés, ouais. Okay. Ouais, je pense que voilà, monsieur Derrick, en tout cas, on a résolu l'affaire. Les ici, bons conseils de l'apéro, premièrement, vous faites couper la ligne, deuxièmement, vous envoyez un exorciste. Hein, au plus vite. Et appelez l'avocat de France Télécom. Ouais, peut-être. Ouais. N'enterrez pas Pépé avec un iPhone. Ouais. Non. Mais sinon, je pense qu'il y a moyen chez France Télécom, ils font des mensualités sur 1200 ans, quoi. C'est possible. Bon, bah, mais merci l'apéro. De rien, monsieur Derrick. Au revoir, à une prochaine. À tantôt. On va récupérer Manox. Peut-être. Alors Manox, donc très intéressant ton truc. Tu l'as trouvé où celui-là? Parce que quand même à chaque fois on se demande. Hein, c'est... Oh, je ne sais plus vraiment, mais je regrette de l'avoir trouvé. Tiens, tiens à dire que pendant ce temps-là, alors ton père nettoie avec du PQ son morceau de table. Ah ouais, bon. J'ai foutu de la bière partout. Oula, 1h50 là d'après. Oula, c'est ah, ça y est, on a pété le record. Il va falloir qu'on conclue quelque part. Hein. Après deux semaines de coupure, il fallait bien commencer par. Allez, un nouveau record. Allez. Voilà. Allez, le mot de la fin, Lord. Ouais, alors ton père. Le mot de la fin, oui. J'avais dit, j'ai tout perdu, tu fais chier, quoi. Putain, mais t'as imprimé combien de pages, reculé? Bah, le mot de la fin, alors ton père, là, le mot de la fin, merde. Le mot de la fin. La semaine prochaine, je vais parler de la neutralité du net, ce sera mon sujet. Oui, exact. Mais sachez que je ne vais pas le faire tout seul parce que j'ai un invité. Ah. Cet invité, c'est Antistress, c'est un excellent ami à moi qui est. Antistress? Antistress. Ah, d'accord. Un spécialiste du logiciel libre qui est un petit peu militant par rapport à ça, qui aura plein de choses à vous raconter. On va faire donc ce sujet ensemble. Je vais vous donner l'URL de son site web si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Rapidement. Si je retrouve mon papier. Oui, on donnera la semaine prochaine l'URL. Voilà. Bah, attends, vas-y. Quacos. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ah, alors l'URL est. L'URL, allez vite voir son site, c'est libre-et-ouvert.blogspot.com. Je connaissais un site de cul qui s'appelait comme ça. Blogspot. Libre et ouvert, oui, c'est pas le site, oui, c'est de le site Katsumi. C'est le site de Simone. Ah, de Simone, ouais, oui, c'est bon, vrai. Voilà, Antistress sera mon invité la semaine prochaine. D'accord, bah écoute, je pense que ce sera intéressant, soyez nombreux. Tu l'as prévenu d'apporter de la bière, j'espère. Oui. D'accord, bon, ça va. Quacos, moi, le mot de la fin, écoutez, j'ai envie de dire que avec ce dernier invité de Manox, on pourrait peut-être ouvrir une nouvelle rubrique qui serait l'aide de l'apéro ou sans aucun apéro, qui pourrait être sympa. Si nos auditeurs ont un petit problème, un petit souci avec des poneys ou des factures, voilà. Contactez-nous tout de suite, Manox. Oui. Moi, j'ai envie de dire. Recherche des poneys du Kazakhstan. Non, j'ai envie de dire, écoute, ça peut être Capéro. Merci, Lord Tompa, de nous avoir éclairé quand même sur certaines petites failles d'Adopi, enfin certaines petites. Et surtout sur certaines spécificités kazakhes. Du poney kazakh. Voilà, c'est très intéressant. Capel. Et très intéressant aussi sur Quacos, le truc avec les chanteurs, très bien. Ouais, et puis aussi le truc avec le kebab d'humain, pas mal. Hein. Tu vois? Ok, bon bah écoutez, sur ça on va clôturer cet apéro qui une fois de plus a battu des records Comme d'hab. Donc un nouveau numéro dans la boîte. On va se retrouver la semaine prochaine pour le podcast 13. Le podcast de tous les dangers. Le podcast maudit. Celui... Bonne soirée, merci beaucoup. Heureusement on n'enregistre pas un vendredi. Donc voilà, donc vous pouvez voter sur nous pour iTunes comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à le faire 15 fois de suite surtout. Utilisez des comptes avec différents. Avec 5 étoiles. Voilà, celui de votre mère, celui de votre grand-mère, n'importe qui, on n'est pas fiers. Appelez-nous sur le répondeur, suivez nous sur Twitter et puis voilà, à bientôt. Follow-moi. À la semaine prochaine. Ciao. Yo. C'est fini l'apéro là.